Bonsoir, bien-aimés. Dans toute la salle, sentez-vous à l'aise. Il y a des gens qui fuient le devant parce qu'ils ne veulent pas être comme les pharisiens. Ils disent qu'ils ne veulent pas être comme les pharisiens. D'autres qui sont extrêmement derrière. Donc, sentez-vous à l'aise. J'espère que, étant dans toute la salle, vous écoutez tout ce que nous disons ici. Vous participez. Nous savons que nous participons ensemble. Vous êtes la bienvenue si vous venez pour la première fois au milieu de nous. Sentez-vous véritablement à l'aise. Amen. Nous faisons croire que lorsque nous prenons des choses ici, nous n'avalons pas seulement. C'est de votre responsabilité de vérifier tout ce qu'on vous dit de façon scripturaire. C'est ce que la Bible nous ordonne. Dans Actes chapitre 17, il y a les chrétiens de Bérée qui vérifient chaque jour pour voir si ce qu'on leur observait était dans la Bible, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc vous aussi, vous êtes libre de vérifier ce qu'on vous dit et c'est de votre droit de vérifier ce qu'on dit dans la parole de Dieu, si c'est effectivement ce que dit la parole de Dieu. Et en fait, Martin Luther disait que le Saint-Esprit n'enseigne pas le vrai et le faux. Donc, s'il y a quelque chose qui semble se contredire, tous bénis d'une façon ou d'une autre. Amen. Et en fait, si vous avez assimilé, si vous avez tout compris, ça suppose que vous avez également votre jugement. Parce que la Bible déclare qu'à celui qu'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Et ce message également, ce n'est pas pour nous. Quand on parle de conférence sur la réforme, ce n'est pas pour dire que... Nous sommes arrivés. C'est pour dire que c'est quelque chose, l'étincelle, où nous voulons attirer l'attention. Et ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter ici. Parce que nous allons, selon que le Seigneur va guider, parcourir tout le pays aussi bien, ou bien tout le monde entier pour le dire. Voilà pourquoi s'il y a des gens dans la salle, des pasteurs ou quoi que ce soit, ou qui que ce soit, qui ne sont pas d'accord sur certains points, nous sommes ouverts à partager. Pourvu que ce ne soit pas notre pensée, mais qu'on laisse dire la parole ce qu'elle dit. Amen. Alors, au courant de la semaine, avez-vous lu donc, avez-vous écouté peut-être? Il y a également une autre chose, c'est qu'on peut dire quelque chose, vous semblez entendre autre chose. Jésus avait dit à ses disciples que gardez-vous de l'évêne des pharisiens. L'autre s'est retourné, il a dit, on n'a pas pris le pain. Vous voyez? Il a dit, gardez-vous de l'évêne des pharisiens. L'autre a commencé à dire que je t'avais demandé de prendre le reste de pain, là on part. Amen. Oh, le Seigneur n'avait pas parlé du pain. Il a parlé de l'évêne, n'est-ce pas bien aimé? Donc ça veut dire Jésus-Christ parle de l'évêne, ils entendent pain. Je peux avoir dit quelque chose, mon frère peut avoir dit quelque chose, vous entendez autre chose. Voilà pourquoi il faut vérifier exactement. Quelqu'un peut venir à la maison vous dire, comme une bien-aimée allait dire quelque part, qu'il est venu chez moi, j'ai enseigné que Marie n'est pas la mère de Jésus. J'ai dit, ah, de quelle bouche cela est sorti? Amen. Donc, vérifiez toujours, allez toujours à la source comme Nicodème. Au moins, Nicodème, même s'il est allé dans la nuit, il a eu le courage d'aller. Dis à ton voisin, il a eu le courage d'aller. Oui, il y a des gens qui écoutent. On vient leur dire, on a 10 ici. Directement, ils condamnent. Vous comprenez? C'est la mauvaise position. Il faut aller à la source. Écoutez, j'ai écouté, vous avez dit telle chose. Ok. Montrez-moi cela dans la Bible. Amen. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour donner une autre doctrine. C'est ce que nous avons dit. Nous avons seulement dit ceci. Il y a quelque chose qui faisait écran depuis plus de 1800 ans. Des gens ont caché la vérité. Voilà pourquoi sur vos affiches qu'on a distribuées, il y en a dit des vérités cachées. En fait, tout se passe comme si Dieu avait laissé faire pendant beaucoup de sur plusieurs siècles des choses. Mais maintenant, Dieu veut qu'on revienne à la parole originelle. Amen. Voilà pourquoi nous, tout ce qui avait été négligé dans la parole de Dieu, nous devrons y revenir. Qu'on le veuille ou pas, Dieu va utiliser le bulldozer du Saint-Esprit allumé. Tous ceux qui vont se tenir contre ce bulldozer, ça va les amener. Amen. Jésus était venu, il était seul, n'est-ce pas? Amen. La Bible déclare que dans Jean au chapitre 12, il a dit si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est venu seul, planté seul par Dieu le Père. Il a rencontré tout un panoplie de systèmes qui avaient été mis en place. Mais ce n'est pas parce que ce système-là a la grande majorité qui est forcément de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va s'assurer à ce que. Ok. Voilà pourquoi le Seigneur va s'assurer à ce que tous ceux qui vont suivre sa parole, qui vont demeurer dans sa parole, vont recevoir une bénédiction de sa part, c'est sa promesse. Amen. Il dit, voici, j'ordonnerai la bénédiction de te suivre. Alors, je ne sais pas comment il faut commencer là. Je vais commencer par les questionnaires qui sont là-bas. Je vais prendre comme ça et puis on va répondre. Si les gens sont ici qui ont posé les questions. Et si entre-temps, vous avez des questions en attendant, vous pouvez poser votre question. Donc, vous écrivez, vous envoyez selon cela, selon ce qui est écrit. Je prends directement la première là. Dans les songes, je lis les questions, c'est là devant, d'accord? Dans les songes que je fais, on me parle et me demande de donner mon cœur à Dieu. Et je ne comprends pas ce que cela veut dire. Guy, Si le frère qui a écrit cette question, c'est quoi? C'est avant-hier que nous étions ici. Si le frère est là, qu'il vienne, qu'il se lève, la personne qui a cette question-ci. Ok. Ça veut dire clairement que ton cœur n'est pas totalement au Seigneur. Ça veut dire que, en fait, le Seigneur Jésus-Christ veut le cœur à 100%. Il ne doit pas partager son trône avec quelqu'un d'autre. Frère, ça veut dire clairement que tu vas t'approcher ici devant. Tu te couches là-bas, tu donnes ton cœur à Dieu. Oui, allons-y, frère. Voilà la réponse à la question. Dis donc pas ton cœur à un homme. Peut-être il y a des choses sur lesquelles tu résistais. Le Saint-Esprit ne force pas à faire quelque chose. Si nous nous soumettons à sa volonté, il fera son œuvre au travers de nous. C'est l'œuvre parfaitement accomplie à la croix. Peut-être il y a des domaines où tu te bats par toi-même, tu veux réussir par toi-même, tu ne te comprends pas. Et surtout, le piège qu'il ne faut pas faire, c'est te confier à un homme. C'est la plus dangereuse des missions sur cette terre-ci. C'est confier à un homme. Quelles que soient les péripéties de la vie, il faut s'abandonner entre les mains du Seigneur. Alors, frère bien-aimé, couche-toi là devant. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur, que ton cœur soit pleinement à lui. Je prends la deuxième question. Si je comprends parfaitement, bon, enfin, il y a quelqu'un qui n'a pas signé, je vais prendre prioritairement ceux qui ont signé leur truc. La recommandation avait été qu'il faut qu'on donne, on écrit le prénom en bas. C'est ça, n'est-ce pas, bien-aimé? Pour qu'on puisse savoir. On est en interaction. Voilà pourquoi j'ai lu pour le frère là, il s'appelle Guy. Il ne faut pas qu'on sorte d'ici, mais on se salue en gros. Il fait psst, psst. Je vais prendre pour Emmanuel là. Mm-hmm. Donc il y a trois questions. Pourquoi les gens qui meurent à présent vont automatiquement en enfer? Premièrement, si la personne, Emmanuel, se trouve dans la salle, j'ose croire. Pourquoi les gens qui meurent à présent vont automatiquement en enfer? En fait, on va essayer de corriger cette question. Tous ceux qui meurent automatiquement ne vont pas en enfer. Tous ceux qui meurent ne vont pas automatiquement en enfer. Parce que dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, la Bible dit quoi? Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le... Pourquoi? Comment? Pourquoi? Les œuvres les suivent. Ce que tu auras fait ici, ça te suivra. Amen. La Bible déclare que celui qui sème pour la chair récoltera quoi? La mort, c'est-à-dire la corruption, n'est-ce pas? Mais celui qui aura semé pour la vie, moissonnera pour de l'esprit la vie éternelle. Ça veut dire que si tu es prostitué, tu meurs là devant Dieu, tu es prostitué. De la même façon, quand le prophète Samuel était mort, quand on l'a fait sortir par la puissance de cette femme d'Andorre, elle était avec son manteau de prophète. Il n'a pas changé. Amen. Donc, quand quelqu'un meurt, ça dépend de la décision, c'est pas sur cette terre-ci. C'est pour ça que si tu es dans cette salle-ci, tu n'es pas sûr à 100%. Ce n'est pas 99,99%, bien-aimé. Si tu n'es pas sûr à 100% que si le Seigneur vient là, tu partiras avec lui, c'est qu'il te faut la repentance. J'espère que tout le monde me comprend. S'il y a un doute quelque part, que si le Seigneur Jésus-Christ vient là où nous sommes, si ça fait boum, tu ne partiras pas. Il y a quelque chose qui t'accroche. Cette chose-là, ça peut t'entraîner en enfer. Voilà pourquoi la Bible déclare, Apocalypse 22, que nul impur n'y entrera. Nul impur. Qu'est-ce qui peut te pousser à être impur? Quand on nomme les choses, si on parle de foulard, les gens disent, à cause de foulard, les gens peuvent aller en enfer, puisque ça se trouve dans la parole de Dieu. Que vas-tu dire, bien-aimé? Moi-même, j'aurais souhaité que ma femme fasse les coiffures Rihanna, hein, pour que je voie. Mais Dieu a dit autrement. Vous comprenez ça, bien-aimé? Qui n'aimerait pas voir que sa femme fasse les coiffures pour qu'elle voit que chérie, tu es belle? Même si Dieu ordonne quelque chose, ça m'énerve. Le problème, ce n'est pas que ça m'énerve, c'est que j'obéis à mon Créateur. Amen. Parce que y a une soeur qui a posé la question sur le net, là, parce qu'elle n'a pas eu le temps de venir ici, elle a posé la question. Je vous dis, la question est terrible. Elle dit que puisque vous incitez qu'on porte le foulard comme c'était nous qui incitions. Elle dit que les frères en Christ qui veulent marier les soeurs vont faire comment? Ce sont les cheveux que les frères en Christ marient. Eh bien aimé, vous avez marié les cheveux. Si elle attache ses cheveux, ça empêche qu'on voit son visage. Je pose la question, vous, les jeunes filles, les femmes qui sont là. Vous avez besoin d'exposer vos seins pour qu'on sache que vous êtes des femmes. Ah! Vous êtes automatiquement, si vous êtes femme, on sait que vous êtes femme, forcément vous aurez les seins. N'est-ce pas? Dis à ton voisin, nul besoin d'exposer. Amen. Mm-hmm. Donc, la désobéissance. La Bible déclare que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. Or, la désobéissance à quoi? À la parole de Dieu. Alors, si le Seigneur a dit, regardez bien, dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est question de 16 versets voulant expliquer le pourquoi la femme doit avoir sur la tête un voile. Pas vrai, bien-aimé? 16 versets. Les prédicateurs négligent. Pourtant, il y a un seul verset dans le Nouveau Testament qui parle de l'huile d'onction. Les gens vendent l'huile d'onction parce que les gens boivent et ils saoulent. Un seul verset. On en a fait des commerces. 16 versets, désobéissance. Donc, bien aimé, faites attention. Vous, c'est pour ça que j'invite les femmes ici à faire attention. Un de ces jours, chacun d'entre nous se tiendra devant le trône. Devant le trône. Et chacun sera jugé selon ce qu'il aura écouté de la parole. Voilà pourquoi, venant ici, si vous êtes dans une communauté où on ne vous parle pas de cela, vous ferez mieux de vous examiner. La Bible déclare, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez réprouvé. Vous pouvez servir Dieu ou penser vous servez Dieu. Il n'y est pas du tout. Amen. Donc, examinez-vous vous-même. Chacune des fois que vous lisez la parole, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose que vous faites et que Dieu est en train de vous indiquer. Sachez que c'est la parole de Dieu pour vous à cet instant. Ça veut dire que si la voix de Dieu sort du ciel, c'est exactement ce que vous lisez qui vous dira. Vous comprenez cela? Il y a des jeunes soeurs qui tournent, les mondains tournent autour d'eux parce qu'ils ont vu la voiture. Il y a un autre frère à l'église là-bas, il ne se coiffe même pas, c'est même pas 100 francs pour se coiffer. Elle dit, soeur, je t'aime. Elle dit, toi qui? C'est mon goût que Dieu a donné là-bas. Pourquoi? Le monde est dehors, il circule autour. Là, bien que la Bible dit qu'il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres, il dit que je vais la convertir. Demande ton voisin, tu es le Saint-Esprit. Demande ton voisin, tu es le Saint-Esprit. Oui. Là, Dieu a dit qu'il y a clairement une différence entre les ténèbres et la lumière. Amen. Donc, étant dans ces choses, on est en train de prier. Il va à l'église. J'ai rencontré plusieurs femmes comme ça. Je leur ai parlé que quitte cette femme, quitte cet homme. Il dit que non, c'est même lui qui m'a offert l'église, la Bible. Il dit, est-ce qu'il est chrétien? Il dit que sa mère prie beaucoup. Je dis, c'est pas le problème, tu épouses sa mère. Amen. Elle est entrée là-bas, elle est sortie avec un but. On l'a convertie. Donc, faites attention, bien-aimés. Vous, les femmes, vous êtes plus vulnérables. Prenez position. Donc, Emmanuel, hein, lorsque les gens meurent, les gens ne partent pas nécessairement en enfer. Ce n'est pas tout le monde. Parce que je meurs là, je ne partirai jamais en enfer. Merci de dire amen pour moi. Amen. Donc, vous devez prendre position. Ce que tu seras devant Jésus maintenant, la décision que tu auras prise maintenant témoignera contre toi, bien en ta faveur, pour l'éternité. Amen. Mm-hmm. Donc, vous voyez, les gens passent le temps au village, les gens meurent, les gens tuent les gens tuent les autres, boivent l'alcool, quand ils meurent, on vient de donner une bonne fille, on a enterré le type là, hein, il est bien mort. Vous voyez ça? On a bien pleuré parce qu'on a annoncé, on a fait les obsèques, on a acheté ces quais de 250 000. Pendant ce temps, la personne en enfer dit, s'il te plaît, Seigneur, envoie-moi pour une minute maintenant sur la terre. Quand je viens dans la vie, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Vous êtes sur la terre, vous dites qu'il est bien mort. Donc, soyez en communion permanente et pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit veillez et priez. Parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut venir. Amen. Pendant que nous sommes assis comme ça, je ne vois pas votre pensée. Lui connaît chacune de nos pensées. C'est filmé, c'est enregistré. Quand vous lisez la parole, l'attitude avec laquelle vous lisez, c'est filmé. Quand tu pars exhorter une soeur, bien-aimée, les frères là, la façon que tu regardes les pieds, les yeux, c'est filmé. Oui. Et toi, jeune soeur, comme tu aimes les on dit que couvrir jusqu'au pied ou ne pas courir, ce que ta cuisse fait aux gens là, Dieu va te traiter, va brûler ça en enfer. Il faut qu'on vous dise que ça soit ainsi. Couvrez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous exposer. Amen. Oui, je sais que de ces choses comme ça, on n'aime pas entendre cela. Mais il faut qu'on vous dise. Dis à ton voisin la sanctification, la sainteté, à l'extérieur et à l'intérieur. Enfin, pas à l'extérieur et à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Deuxième question d'Emmanuel. Les pantalons, bijoux, maquillage ne font pas partie de la volonté de Dieu. Mais il faut bien être présentable devant lui. Que faire? Waouh! Vous voyez, c'est quelqu'un qui a le nyanga dans le sang ici. Vous voyez, ces gens de personnes, en lisant cette question, vous pouvez comprendre le style de chaîne de télévision qu'elle peut voir. Je ne suis pas là pour faire la publicité. Je dis seulement, vous pouvez savoir directement quel style de chaîne de télévision vous voyez. Parce que c'est ça qu'on inculque. Chacune des fois que vous voyez ces choses, les images sont imprimées dans votre esprit. Vous le voulez ou non, en voyant, elle a commencé à marcher comme Jennifer Lopez. Elle ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'elle voit les fashion TV. Tout le monde comprend cela. Voilà pourquoi la Bible déclare, nous avait dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce que vous allez faire, vos pensées, quoi que ce soit, ce qui est agréable, ce qui est juste. C'est dans votre Bible, Philippiens chapitre 4, le verset 8. Que tout ce qui est agréable, tout ce qui est louable, tout ce qui est digne d'être glorifié, que ce soit cela qui soit l'objet de ta pensée. C'est ce qui est écrit. Ça suppose que si tu regardes MTV et que c'est louable, si le Seigneur était là et dit « Je t'apprécie ma fille », tu vois bien MTV. Alors continue à voir. Vous comprenez, bien-aimé? Oui. Alors, elle commence à tailler son habit, son habillement, conformément à un star. Le but de ces stars-là, voilà pourquoi on prend les stars très chères pour qu'elles portent les vêtements d'un certain styliste, d'une certaine maison. Parce que cela, ça aura l'impact dans ton esprit. On sait que si Eto'o porte Nike, Les enfants vont vouloir acheter Nike. Et comme ça va faire progresser la société. Voilà pourquoi on le prend. On le veut autant d'argent. Donc, les chrétiens n'ont absolument rien à faire avec cela. Je pose une question. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, il a mis le maquillage sur son visage. N'était-elle pas parfaite? Vous ne voulez pas répondre. En fait, voici le problème. Satan vous a condamné. Il parle particulièrement aux femmes comme ça. Satan vous a condamné à croire que c'est ce qu'il présente qui est bien. Vous n'êtes pas bien. L'autre a dit que quand je ne mets pas le rouge à lèvres, je suis laide. C'est insulter Dieu, ça. Si tu es noir, Dieu a fait que tu sois noir. Tu ne peux pas y changer. Amen. Si tu es court comme moi, comment tu vas faire pour grandir? Écoute, je vais vous parler maintenant, vous les jeunes soeurs qui sont là-bas, pour que vous compreniez, si vous pouvez comprendre cela, saisissez. Il y a quelqu'un qui est prévu pour vous. Et cette chose que Dieu a programmée dans cette personne-là correspond à votre état maintenant. Vous modifiez cet état, vous ratez la personne. Tout le monde comprend? Si tu es mince comme la chicotte, Dieu a voulu comme ça. Il y a quelqu'un quelque part qui aime la chicotte comme toi. Si tu peux prendre les produits pour grossir, vous allez voir que quand tu vas passer à côté de la personne, c'est pas ça, parce que Dieu, c'est ce que j'aime dans mon cœur. Voilà pourquoi Dieu a fait la diversité. Vous voyez quelqu'un passe à route avec quelqu'un tombe long comme ça, il dit, mais comment celui-ci aime celui-là? Mais c'est son goût. Amen. Parce que dans son cœur, c'est ce que Dieu a mis. Maintenant, si tu es brune, noir, parce que la réception n'est pas vraie, je ne sais pas comment ils font pour se teinter. Si tu es noir, tu peux te mettre au carré pour devenir brune. La personne que Dieu a pris pour toi dans son cœur, ce qui correspond là-bas, c'est noir. Elle vient à côté, mais voilà la confusion. Vous comprenez? Ne faites pas de cela. Ne faites pas ces choses-là. D'accord? Dis à ton voisin, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. En fait, c'est parce que vous vous contentez sur la chair. Si vous regardez votre corps spirituel, vous savez, il n'y a rien de plus parfait que cela. Il n'y a pas de tâches, il n'y a pas de dans ce domaine-là, il n'y a pas de laideur. C'est ici, Satan vous fait croire que ce Fashion TV, c'est quand on coupe, on enlève les bêtises qu'il y a les poils, comme poils là, on met le carré là-bas, avec le bleu, blanc, rouge, c'est comme le drapeau français, que c'est ça qui est bien. Vous regardez quelqu'un, vous êtes comme le Njunjuka là-bas. Alors pourtant, vous êtes comme ça, vous êtes belle. Amen. Vous êtes beau, ne modifiez aucune chose. Tout ce qui est ajouté à votre corps d'artificiel, que vous le vouliez ou non, Dieu hait cela. Tout ce que vous ajoutez sur votre corps comme artificiel, Dieu veut que ça soit naturel. Est-ce que vous comprenez? La nature à la nature, l'artificiel à l'artificiel. Laissez les mondains qu'ils soient artificiels parce qu'ils sont déjà artificiels. Dis à ton voisin, tu dois t'habiller de façon chrétienne. Il faut qu'on voit la différence. Si on te dit que pourquoi tu es comme une grande mère, ça veut dire clairement que Dieu en doit t'apprécier là. Mais si tu passes en disant que tu es sexy, sache que tu es cuit. Troisième question, comment amener ses amis à suivre Jésus quand ceux-ci prétendent le connaître et prier? Puisque c'est la même personne qui pose cette question, je prends à partir de la deuxième question. Comment tu vas amener tes amis à croire en Jésus quand toi-même tu t'habilles comme eux? Dis à ton voisin Jézabel. Oui. Vous voyez, la première des choses quand nous abordons les gens, il faut que cet état de sainteté-là soit au travers de nous. Tu mets ton ventre dehors, tu tires, ton ami, la païenne tire. Ça remonte, ça tire, ça remonte. Le string est ici en haut là. Toi, si tu fais la même chose, tu vas parler de Jésus. Il faut qu'il y ait une différence entre. Quand tu passes comme ça là, tu t'habilles, quand tu es en train d'arriver, la personne dit que voilà, alléluia. Oui, c'est ton identité. Vous comprenez cela? Vous allez prêcher chez les prostituées, les clients viennent confondre les prostituées à toi. On va dire que on paye combien? Tu dis qui? Je suis de ma vie à Jésus, tu regardes comme ça, avec les prostituées, il n'y a pas de différence. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller prêcher le royaume des cieux, vous allez encore séduire les mondains. Après, vous êtes sûr. Quand les mondains voient la façon dont vous vous habillez, je vais vous dire, dans les taxis, et vous avez là suivi ce genre de commentaires, il y a des gens qui, malgré qu'ils font cela dans le monde, ils disent qu'ils préféreraient les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que vous êtes fidèles. Voilà pourquoi les mondains viennent vers vous. Ils savent que s'il va vous prendre, vous mettre à la maison, vous serez obligé d'être fidèle. Lui n'est pas tenu d'être fidèle. Pendant que vous êtes fidèle à la maison, il est infidèle dehors. Si vous voulez regarder de l'argent. Donc, Emmanuel, pour annoncer premièrement Jésus, amener les gens à comprendre Jésus, il faut que Jésus vit en toi-même premièrement. Il faut que tu le reflètes, il faut que tu le vives. Si tu vis le Seigneur Jésus-Christ, quand tu vas parler, ce n'est pas toi qui vas parler, c'est le Seigneur qui va parler au travers de toi. Amen. Il faut que notre comportement, notre être tout entier soit contrôlé par le Saint-Esprit, afin qu'il puisse nous utiliser à sa guise. Alléluia. Merci, Emmanuel. Donc, si entre-temps, vous avez des questions, écrivez, je sais pas. Je vois que la même question subsiste ici partout, là. S'il vous plaît, en ce qui concerne les bijoux, Que faire donc de la montre? Même question ici. Un chrétien doit-il porter une montre? Faites-en quelques matériaux que ce soit. Ok. Que dites-vous de quelqu'un qui porte la montre au pied, à droite, au pied gauche, à droite, à gauche? Est-ce encore la montre? Ça, c'est de l'extravagance. Si vous avez la montre, comment là? C'est vous qui avez écrit? Vous voulez la question? Ok. Ok, je viens alors. Donc, la montre, ça vous est utile pour voir de l'heure, n'est-ce pas? Simple. Mais ne vous encombrez pas. Vous avez la montre au cou, la montre aux yeux, la montre sur la dent, la montre partout. Bon, pasteur, je ne sais pas si la personne qui avait été ici quand on parlait de titre pasteur. C'est Agnès. Je suis une jeune couturière et la couture, c'est ma passion. Regardez les modèles à la télé, les voilà. Regardez les modèles à la télé pour les réaliser après. Est-ce de l'idolâtrie? En fait, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est tout simplement une faute. Parce qu'elle est évangéliste de Satan sans le savoir. La personne, c'est la sœur Agnès. Si elle est là, j'espère qu'elle est là. Si Agnès est là. Vous voyez, c'est vrai que Satan inspire la mode. Ouvre une chaîne, emploie les gens un peu comme Jésus-Christ nous a récupérés. Pour que nous soyons à sa gloire. N'est-ce pas, bien-aimé? Toutes les publicités que nous faisons, c'est pour le royaume. En fait, il faut que chacune des personnes prenne position maintenant là. La Bible déclare que l'âge espacé, c'est la voie qui mène à la perdition. Beaucoup y vont, n'est-ce pas? Commencez à étudier votre vie, vous regardez les choses qui peuvent vous entraîner dans cette voie-là. Parce que l'évangile, véritablement, n'est pas facile. Lorsqu'on vous a dit, venez à Jésus-Christ, il va vous changer votre vie. Ça, c'est le B à bas. C'est comme on a dit aux gens, 1 moins 1, ça fait 0. Ils croient que la mathématique est trop bien. Juste lorsqu'il arrive là, on parle de l'algèbre non commutatif. Amen. Donc, alors, maintenant, quand on arrive au niveau de l'évangile, où il faut véritablement la consécration, il faut absolument quitter la voie parce que chacune des choses que nous faisons sur cette terre a une portée éternelle. Soit de l'un des côtés, soit de l'autre. Quel que soit ce que vous allez poser en pensée, en parole ou en acte, ça a une portée éternelle dans le sens où ça avance le royaume de Dieu. Et dans ce cas, détruit le royaume de Satan. Soit ça avance le royaume de Satan et dans ce cas, nuit le royaume de Dieu. Tout le monde comprend ça? Voilà pourquoi la Bible déclare que quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour la gloire du Seigneur. Alors, je pose la question à cette personne-ci. Dieu nous dit de nous habiller, particulièrement les femmes, s'habiller décemment, n'est-ce pas? Là, voilà à la télévision pour voir les modèles où on va mettre les seins dehors. Et pas court de ça pour donner aux enfants de Dieu. Maintenant, pendant que la Bible est en train de dénoncer que la femme, elle ne doit pas s'habiller comme ça, qui est derrière? C'est elle. Elle peut changer de modèle. Justement, voici une soeur, si elle avait été là, je lui dis maintenant, s'il te plaît, commence à coudre le kaba pour les soeurs. Oui, il faut que les soeurs se disent, d'abord, il faut qu'au moins, que si on a quelqu'un qui coud le kaba, qu'elle ne prenne pas les justificatifs, que non, je ne peux pas couvrir, c'est partout, on coud les pantalons. Il y a encore 6 kamessi, dont les tissus sont disponibles. Il y a encore les couturiers, donc vous n'avez pas de justificatifs. Tout le monde comprend? Les gens disent que c'est parce qu'il fait chaud qu'on s'habille comme ça là. En fait, lorsqu'il fait chaud, on doit plutôt bien s'habiller. On doit plutôt se couvrir. Vous avez vu les gens du Nord, comment ils s'habillent? Quand il fait chaud là-bas, les femmes à Aoussa sont nues. Elles se couvrent encore davantage, n'est-ce pas? Mm-hmm. Amen. Donc si elle est couturière, qu'elle change seulement le style de couture. Elle coupe pour la gloire de Dieu. Elle coupe pour la gloire de Dieu. Maintenant, je vous pose une question. Dans ce cas, si quelqu'un vient en disant que si ce n'est pas un chrétien, voilà là où il faut, soit vous allez vous compromettre ou non. Toute l'année, elle n'a pas de client. Quelqu'un vient et dit que je te donne ce style, fais-moi lever les seins dehors. 80 000 francs. Voilà la tentation. Vous devez prendre position pour Jésus, vous ne pouvez pas le prendre. En fait, c'est comme ça que je suis, radical. Vous voulez un peu empêcher Satan, un peu. Non, il n'y a pas de. Ou bien vous. Dieu est capable de vous nourrir. Il a dit qu'il prend soin des moineaux, pas vrai? Même les chevaux, devaient être tous comptés. C'est pour dire qu'il prend soin dans les petits détails. La façon, madame, que tu mets ton cube dans la sauce, Dieu voit. Si tu veux mettre l'eau à ton mariage, dans ton cœur, Dieu voit. Il va te demander. Vous comprenez cela? Ok. Ici, c'est Sœur Élise. Bonjour, parlant de bijoux, qu'en est-il de l'anneau de mariage, alliance et monde? Bon, il y en a répondu pour le cas de la monde, n'est-ce pas? Pour le cas de l'anneau également, ce n'est pas quelque chose de scripturaire. C'est également venu du paganisme. Donc, le moment viendra, si vous contactez le secrétaire, je ne sais pas comment ils vont mettre les adresses là-bas, on va vous mettre un enseignement là-dessus détaillé, avec l'historicité de tout cela, n'est-ce pas? Mais maintenant, il savait qu'il y a quelque chose. Si vous n'avez pas de bagues de mariage là, on va passer de temps à vous siffler. Vous voyez, mademoiselle et autres là-bas. Alors, si vous savez que c'est votre alliance de mariage, mettez mettez-la pour mettre les bornes, tout simplement. D'accord, bien-aimé? Vous comprenez? Ne vous mariez pas à votre mari, au démon, Satan et à cette autre chose là. C'est ça qui est le problème. Il y a des gens, on n'aime pas parler de ces choses. Les ongles, vous appelez quoi? Les faux ongles. Quand tu tends la main comme ça, la chair et pour t'arrête. C'est comme si le tigre qui veut t'arracher. C'est quoi? Dieu n'a-t-il pas mis des bons ongles, mes bien-aimés? Ce qui est mis là-bas, ce que le monde fait là, c'est plus bien que ce que Dieu a fait. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment vous pouvez avoir des choses de bien que Dieu a fait et vous mettez le faux? Et vous passez votre temps, vous mettez les coffres pour enlever, c'est un problème. Oh, que Dieu nous vient en aide. Frère Yanis, je ne sais pas si Yanis est bien lui, si je coche le nom de quelqu'un, veuillez me pardonner. Amen. J'espère que nous nous sentons à l'aise, n'est-ce pas? Souvenez-vous, votre questionnaire, je l'ai pris là-bas, je ne sais pas qui l'a mis. Je lis là, il vous répond tel que cela. Parce que le Seigneur nous a dit, quand vous vous posez des questions, ne vous méditez pas à ce que vous allez dire. Amen. Je fais tout simplement confiance au Saint-Esprit. Je lui fais confiance parce que c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a racheté. Il est ici là-dedans. J'ose croire qu'il est là-dedans. Ok. Je voudrais savoir quand Jésus dit, vous avez reçu... Oh, on a retenu cela. On a répondu ça quand nous finissions la réunion la dernière fois, n'est-ce pas? Parce qu'il avait dit qu'il y avait une question comme ça là. Je voudrais savoir quand Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je me pose la question de vous, de nous, oh mon Dieu. Vendre l'essai des chrétiens, sinon où est la différence entre les un mondain et nous? Ok. Donc on avait répondu ça, n'est-ce pas, à cette question-ci. Parce que les supports tels que c'est là, on achète seulement. Et si on a acheté, ok. Ok, voici une question intéressante dont le frère vient de poser. C'est bien comme vous entendez le voir là maintenant. Si vous dites que l'école biblique n'est pas biblique, vous avez fait comment pour être ce que vous êtes? Vous avez fait comment pour être ce que vous êtes? Ça, c'est la première question. Alléluia. Ok, voilà, c'est intéressant ça. Oui, quand on entend les gens parler comme ça, on croit qu'on a été moulé. Voilà pourquoi je me sens libre d'être moulé, parce que le vent, quand ça souffle, tu ne sais pas où ça va, où ça, comment ça se passe. Quand quelqu'un est théologien, tu peux savoir même par son comportement. Amen. Oui, un Jean-Baptiste qui vient comme ça, il dit race de vipères. Il n'a pas de langage bien là. Hein? C'est l'école biblique du désert là. Amen. Alors, que le frère réponde, où est l'autre micro? C'est amusant vraiment cette question-ci. Bonsoir à tout le monde. Ça fait également partie de l'une des 115 thèses où nous démontrons clairement que la théologie et les écoles bibliques ne viennent pas de Dieu. Je vais vous surprendre en vous disant que la première fois que le mot théologie est employé, c'est par Platon, le philosophe Platon, dans son ouvrage qui est intitulé La République. Et dans cet ouvrage, Platon parle de la théologie et il y a des auteurs antiques qui ont commencé à développer ce concept-là. Et dans le grec, théologie, c'est théolodia, qui veut dire quoi? Qui veut dire étude ou discours rationnel sur le divin. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. Et ils ont commencé à développer, et ça, je veux dire quoi? Les écoles de théologie et les écoles bibliques se sont développées en quatre temps. Le premier mouvement qui a commencé à promouvoir les écoles, ces écoles de théologie là et tout ça, a été appelé la théologie épiscopale. Et avec la théologie épiscopale, là-dedans, il y a épiscopos, on formait les évêques, c'était au deuxième siècle. Et c'est l'église catholique romaine qui formait ces évêques-là. Il disait qu'il fallait former les évêques et les prêtres pour que ce soit des spécialistes qui vont venir prêcher la parole de Dieu. Or, vous remarquez très bien que ni Jésus, ni Jean-Baptiste, ni aucun des disciples n'a eu une formation théologique. C'est pourquoi dans, je crois, Jean 7, verset 15, les pharisiens ont demandé comment connaît-il les Écritures, Jésus-Christ, lui qui n'a point étudié. Et même Jean-Baptiste, son père était sacrificateur, mais il n'a rien hérité de son père. Et nous voyons également les disciples dans Acte 4, verset 13, la Bible nous dit que on les reconnaissait comme étant des hommes sans instruction, des hommes du bas peuple. Et on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Et quand vous lisez Galates 1, Paul dit là-bas que l'évangile qu'il a reçu, il ne l'a pas reçu d'un homme. Il n'est pas apôtre parce qu'un homme l'a consacré. Il est apôtre non de la part d'un homme, ni de la part des hommes, mais de la part de Dieu. Et il explique clairement que le message qu'il a reçu lui a été transmis par révélation divine. Et dans Éphésiens 3, il dit, vous pouvez vous mesurer la dimension du mystère de la révélation de l'Église qui m'a été donnée pour vous. Et puis, la deuxième école qui a développé la théologie, ils ont été appelés le groupe de l'école monastique. Dans monastique, il y a moines. On formait les moines. Les moines pour que les moines deviennent plus tard des spécialistes qui vont commencer à prêcher la parole de Dieu. Et après cela, il y a eu ce qu'on a appelé la scolastique. C'est quand la théologie est entrée maintenant dans les universités. Pendant cette phase-là. Et avec la scolastique, on a maintenant commencé à recruter même des professeurs qui n'étaient pas chrétiens, qui étaient la plupart des francs-maçons. C'est pour ça que je veux vous dire que toutes les écoles bibliques et théologiques là sont dirigées à plus de 80% par des francs-maçons. Amen. Ce sont des gens qui n'ont même pas cru. Et oui. Vous lisez même parfois certains de leurs livres. Oui, frère. Alors, pour confirmer cela, au courant des siècles, il y avait eu des discussions, plusieurs discussions dans l'église catholique, comme c'était l'église mère. Il y avait, vous voyez les églises, on nous dit Saint Thomas d'Aquin. En fait, Thomas d'Aquin, Thomas d'Aquin, c'était un philosophe. Vous voyez, il y avait deux groupes. Il y avait le franciscain, il y avait le dominicain. Quand il y avait une discussion, c'est au sein de l'université qu'on discutait. Donc, ça veut dire toutes les doctrines catholiques, là, les décisions se prenaient à l'intérieur des universités. Et le pape prenait cela pour acquis. Donc, et c'était des gens qui n'étaient pas convertis, c'était des philosophes. Donc, autrement dit, les mondains, les francs-maçons. Donc, vous voyez, ça veut dire que vous suivez ces enseignements, vous suivez les enseignements des francs-maçons sans vous en rendre compte. Et la dernière phase des écoles de théologie, c'est ce qu'on a appelé la théologie pastorale. Et c'est de celle-là que sont nées les écoles bibliques. Amen. Maintenant, si quelqu'un me pose la question, toi qui t'as formé, c'est le Saint-Esprit qui m'a formé. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Quand l'arbre naturel a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour être un arbre qui va produire du fruit. Maintenant, il faut que cela se développe. Alléluia. Donc, et pour mon témoignage personnel, chaque fois que j'ai voulu faire des cours de théologie, des cours bibliques et tout ça, le Seigneur n'a jamais permis. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas qu'un jour Dieu allait m'appeler à parler du message de la réforme. Est-ce que vous comprenez cela? Et c'est pourquoi le Seigneur m'avait dit un jour que si tu ne comprends pas pourquoi je ne permets pas telle chose dans ta vie, un jour tu vas comprendre. C'est pour ça que je veux te dire que si dans ta vie il y a des choses que tu veux faire, ça semble ne pas marcher, si Dieu te freine, c'est pour une raison précise. Et un jour tu comprendras. Donc, pour comprendre clairement que les écoles de théologie, les écoles bibliques, ça ne vient pas de Dieu. Amen. En fait, les gens ne comprennent même pas le pourquoi, ces choses-ci. Quelque chose peut être bien, mais ce n'est pas bon pour Dieu. Si ce n'est pas originellement, si ça ne tisse pas son origine du Seigneur, Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Il avait dit qu'il y avait un grand enseignant qui viendrait sur nous, il nous conduirait dans toute la vérité. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 26 et 27 dit, pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction que vous avez reçue demeure en vous et qu'elle vous enseigne, demeurez en vous. En fait, la crainte c'est ceci. Il y a trop de séduction. On voit les pasteurs avec les belles vestes et autres là. Ils rentrent avec les diplômes, avec les parfums là. On croit que c'est le modèle là-bas. Prenez le modèle de l'humilité de Jésus-Christ. Allez dans la parole de Dieu, dans le secret. Le Père vous révèle des choses. Vous n'avez pas besoin de vous mettre sur la scène pour qu'on vous voit. Non. Le travail que vous faites dans le secret, Dieu vous voit. En fait, il faut seulement être à la place que Dieu vous attend. Amen. La deuxième question de ces frères là, c'est, vous voulez dire quelque chose là? Oui. Oui. Bonsoir tout le monde. Oui, moi c'est Eric Diboman. Donc je voudrais simplement intervenir peut-être pour qu'il y ait plus d'éclaircies. Quand on dit les écoles bibliques, la théologie, d'accord, ça ne vient pas de Dieu. Et c'est pas biblique. Mais je veux dire que le Seigneur dit enseignez-leur. Donc ça laisse voir là une sorte d'école. Et on sait que le Seigneur a enseigné, il a fallu qu'il enseigne 12 hommes. Qui puisse bouleverser, bon disons 11 hommes, qui puissent bouleverser par la suite le monde. Et nous avons vu tout le temps dans Actes des Apôtres, Paul disait, il se retirait de la synagogue avec quelques-uns, les enseignants. Pas nécessairement dans une école. Le cadre où on se retrouvait dans une école, c'était pas pour revenir dans la sémantique de l'école ou bien d'une institution, mais il les enseignait donc... En tant que disciple, et je pense que le disciple doit passer par des enseignements, par une, entre parenthèses, une école. mais pas nécessairement une institution où on vient sortir avec des diplômes et des grades, non. Comment donc vas-tu les empêcher de les faire sortir avec le diplôme? En fait, laissez le Saint-Esprit enseigner, d'accord? Quand nous regardons le modèle biblique, vous voyez, le but pour lequel les gens partent là-bas, c'est pour beaucoup ne sont même pas appelés. Ils partent là-bas pour recevoir, ils croient qu'avec en formant, on aura sur notre carte quatre professions, je suis pasteur. On n'est pas pasteur par formation. On est pasteur par appel, par élection. Ces choses, c'est pas, on ne force pas. Il y a des gens qui fuient, Dieu dit que c'est toi. Toi, tu es éloquent, fatigué, Dieu ne veut même pas de toi. Est-ce que vous comprenez? C'est selon le dessein du Seigneur. Quand l'apôtre Paul formait, il formait les disciples, parce que Dieu a dit que il faut que les apôtres doivent fonder. Alors maintenant, si ça vient de Dieu, comment plusieurs écoles, vous avez dit que quand l'apôtre Paul enseignait, il bouleversait tout le monde. Combien de codes bibliques avons-nous seulement dans ces villes? Ça a bouleversé la rue de la joie. Non, ça ne vient pas de Dieu. Alors ça ne vient pas de Dieu, définitivement, on met ça de côté. Donc le frère dit, si construit une chapelle pour rassembler les chrétiens, n'est pas biblique. Est-ce qu'une maison peut contenir un grand homme? Voilà encore la chose. Ça veut dire que, frère, je ne sais pas s'il avait été là avant-hier quand le frère expliquait au nom maximum et autres là. En fait, si on ne comprend pas le principe biblique justement, on va toujours avoir aller à la dérive. Quand 3000 personnes sont converties le premier jour, y avait-il à Jérusalem un temple qui puisse contenir 3000 personnes? Dans ce cas, comment on dit persévérer dans les maisons? Ça se pose que les 3000 se répartissaient dans les maisons selon que ça pouvait contenir. Bien-aimé, il faut qu'on laisse la Bible dire ce qu'elle dit. S'il y a 3000 personnes qui sont conduites le premier jour et ils n'ont pas eu d'ambiguïté, ils n'ont pas dit, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Le Saint-Esprit est là pour les guider. Ça veut dire que voilà pourquoi l'Église de Dieu est locale, absolument et totalement autonome, indépendante les unes des autres, dépendante totalement du Seigneur et du Saint-Esprit. Alléluia. Dans une église locale, les anciens, une communauté d'anciens doivent les diriger. Cela rencontre uniquement au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit qui les a établis ainsi. Ils n'ont pas un archevêque quelque part là où que notre pasteur régional vient, il faut qu'on lui rende hommage. Non, ce n'est pas comme ça. Vous comprenez cela? Ça veut dire que si je viens dans un quartier, par exemple, comme Bonaka, moi, je viens fonder une assemblée là-bas. Je forme les gens qui vont diriger. Quand ils dirigent là-bas, mon travail est terminé. Voilà ce que l'apôtre faisait. Quand il est libéré, il dit que je vous recommande entre les mains du Seigneur auquel vous avez cru. Vous n'avez pas cru en Paul? N'est-ce pas bien aimé? C'est pas en Paul qu'on a cru. Alors, il dit donc que j'ai planté, l'autre a arrosé, Dieu a fait croître. C'est lui qui est le problème. Vous comprenez? Donc, la quantité, c'est ça qui a poussé à la dénomination. Parce qu'en fait, derrière, les gens voyaient aux chrétiens qui se convertissaient en massivement les potentiels clients pour les dîmes et les offrandes. Voilà pourquoi quand on indique les dîmes, ils disent que, ah, non. Pourquoi? Parce que 400 personnes fois 10 000 francs, les dîmes chaque personne, imaginez combien de millions ça donne. Vous voyez pourquoi ils ne voudront à jamais au monde détruire les dénominations, conduisant comme ça les gens en enfer. Dieu veut que l'église soit une église de proximité. Ça veut dire que nous sommes, je ne sais pas quel quartier, comment on appelle ce quartier ici? Dedo peut-être, au Minisport, c'est ça? Au Minisport. Ok, la maison qui est à côté là, il y a une assemblée qui se réunit dans cette maison là. L'autre qui est à Ange Raphaël. Quelqu'un ne peut pas quitter Ange Raphaël, sauter cette assemblée là, venir ici. C'est une faute devant Dieu. Pourquoi? Dieu a dit qu'il faut qu'on s'exhorte les uns les autres dans une famille. Je peux savoir que quand la sœur, si elle a voisin, si elle ne vient pas à l'assemblée un jour, c'est qu'il n'y a qu'un problème. Je peux lui rendre visite, l'exhorter. Les gens qui de Bonabéry viennent, on ne sait pas qui est dans l'assemblée. D'autres sortent de la prostitution, viennent rester et se cacher à l'intérieur, dormir, donner le salaire à la prostitution. On prie, on met l'huile sur la personne. Oh. Donc, mon bien-aimé frère, c'est le cadre de l'église est défini par Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est dans les maisons. En fait, on doit y revenir. On vous a donné une foule de versets l'autre jour. Avez-vous étudié? Regardez, il n'y a pas une seule trace. Parce que chacune des personnes qui va créer une dénomination sera au-dessus comme un gourou. C'est une église catholique miniaturisée. Il va beau s'appeler n'importe comment, il est le pape. Parce que rien ne peut se passer, on va l'appeler Daddy. C'est parce qu'on ne veut pas dire pape. Daddy, ça veut dire papa, pas vrai? Oui, c'est pape. C'est son église. Une autre soeur qui a envoyé. Waouh! La sœur Lily Marlise. Lorsque vous parliez des dénominations, j'ai eu l'impression que avoir l'autorisation de l'État était une mauvaise chose. Il me vient à l'esprit que la Bible dit, j'imagine qu'elle va parler de respecter l'autorité. Ok. Donc, elle a dit, parce que j'ai dit ceci, les dénominations, ils doivent avoir l'autorisation. En fait, c'est la loi qui dit, c'est pas moi qui le dis. Parce que ça fonctionne en tant qu'association. La loi camerounaise ou bien la loi de chaque pays dit que les associations doivent être contrôlées pour que ça ne soit pas utilisé pour faire les dépôts, qu'il n'y ait pas de dérives. Dans la maison du Seigneur que nous sommes, il n'y a pas de dérives. Voilà pourquoi nous sommes des familles. Si quelqu'un veut faire son activité, voilà pourquoi ils vont dire que c'est à but non lucratif. pas vrai, mais une collection de fonds. C'est non lucratif, mais bien aimé. Quelqu'un dit mensonge. Ils participent au parti, au débat politique. Ils peuvent même influencer le président. Ok. Donc, ça dit que ce n'est pas l'autorisation qui est le problème. C'est le fait qu'ils sont sortis hors du cadre du plan du Seigneur. S'ils veulent prendre l'autorisation, ils sont en train de respecter la loi parce qu'ils sont en train de créer leur association. Mais je veux dire, l'église du Seigneur n'a pas besoin d'autorisation. C'est ce que j'en ai dit. Parce que c'est, étant une famille, dans la maison, on n'a pas besoin d'autorisation pour se réunir en famille. Tout le monde comprend? Si ça fonctionne ainsi, voici donc ce que je dis maintenant pour que ça soit clair encore une fois de plus pour tout le monde. Toute dénomination, que tu aies le nom, de toute façon, ceux qui n'ont pas on appelle ça quoi, l'autorisation, là, vont fermer bientôt. Une loi va être, il y a une tractation dans les assemblées. Je parle pour notre pays maintenant, notez ceci donc. Il y aura une tractation au courant de cette assemblée nationale, notre assemblée nationale dans notre pays. Je parle pour le cas de notre pays maintenant, pour vous comprendre. Il y aura des tractations, des projets de loi qui vont monter. Que maintenant, ces choses-là, les gens, on ne comprend pas les églises, il faut voter une loi qui se réunisse dans un conseil. Alors, la loi va sortir de l'Assemblée nationale, le président va promulguer que toute personne maintenant qui a l'autorisation, il faut qu'il s'affilie sur une association, il faut qu'on les connaisse. Et ça sera maintenant la réunion, ce qu'on appelle le Conseil mondial de l'Église. Bonjour l'écuménisme. Après, vous tous, dans cette association-là, vous allez donner la marque de la bête automatiquement. Voilà pourquoi Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu tel. Je ne veux pas savoir comment on peut dire cela. En fait, la Bible a dit, celui qui a l'oreille dit, entend ce que l'Esprit dit. Si tu n'as pas l'oreille là, c'est l'histoire que tu as là devant toi. Quelqu'un m'a demandé aussi dans la question que comment vous dites que c'est Rome qui contrôle l'église. L'Antichrist est-il romain? Le pape qui est mort là, il était romain? Le pape qui est actuel là, c'est un romain? Je pose la question, le pape qui est mort, c'était un romain, mais il régnait à partir d'où? Donc ce n'est pas la ville de Rome qui est le problème, c'est qu'à Rome, il y a quelque chose qui nuit la terre. À Rome, il y a quelque chose. On dit que c'est la ville, on dit que la femme, les sept têtes sont les sept collines sur lesquelles la femme est assise. Si vous lisez les prophéties dans Apocalypse chapitre 17, vous savez que la femme, il est question d'une église apostate. Et on indique que la ville dans laquelle elle est assise contient cette colline. Il y a une seule ville au monde qui a cette colline, c'est Rome. C'est terrible comme indication. Et pour être encore plus clair, si vous prenez la Bible Jérusalem, la grosse Bible rouge là, vous ouvrez la page de Apocalypse chapitre 17, regardez la note qui est en bas, eux-mêmes disent que les sept colonnes sont les sept colonnes de Rome. Parce qu'ils savent que les catholiques ne lisent pas. Alors si c'est les sept colonnes de l'homme, qui est à Rome dont on devrait parler? Qui est à Rome? Vatican. C'est son siège là-bas. Vatican veut dire, c'est deux mots latins, Vatis et Can qui veut dire le serpent ancien. Vatican. On ne me vous donne pas la définition. Cherchez bien aimé. Vatican veut dire Vatis Can qui veut dire serpent ancien. C'est surprenant que son nom s'appelle ainsi. Donc c'est d'elle dont c'est la question. Ce n'est pas de la vie, toute la vie de Rome en Italie. C'est qu'à Rome, il y a quelque chose qui a une dualité. Remarquez très bien qu'elle a ses propres ambassades dans chaque pays, pas vrai? Elle est représentée de façon comme les ambassadeurs dans tout le pays. Elle a son propre drapeau, son propre territoire. Elle s'appelle l'église de Christ. Voilà pourquoi on l'appelle la prostituée. Parce qu'il n'y a pas d'immiscie. L'église de Christ ne s'immisce pas dans le monde. On dit que c'est avec elle que les rois de la terre, il n'y a pas de congrès, ni quoi que ce soit, une décision qui se prend sur cette terre sans que l'église catholique soit au courant. Ce n'est pas croyable. On dit qu'elle avait deux têtes. Parce qu'il a un pouvoir étatique, un pouvoir spirituel. C'est terrible. Et c'est qu'il a dénivelé toute la terre. Toutes les doctrines, on a parlé de la bague hier, les bagues épiscopales. Les bagues cléricales, ça sort de là. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Donc là, les dénominations auront choix à faire. En fait, le train du Saint-Esprit est déjà en marche. Ceux qui vont entrer dans ces mouvements, on va continuer. Souvenez-vous, on ne doit pas casser les murs de dénomination. Quand Jésus est venu, il y avait la loi là-bas, il y a les synagogues, il est parti, il a laissé les synagogues, elles subsistent jusqu'à aujourd'hui. Mais il avait retiré le groupe dont il était question. Vous comprenez? Demande à ton voisin, es-tu du groupe? On t'a envoyé ici comme indique. Si tu es indique, sache que quand tu es en train d'écouter parler indiqué, il y a notre. On nous indique également les anges. Ils vont dire au Père que celui-là était au milieu aussi. Ces gens ont été saisis. Donc, le fait qu'on obtienne l'autorisation n'est pas incompatible avec ce que Dieu nous dit de prier pour les autorités. Ils ont leur place, nous avons les nôtres. L'Église n'a pas, ou bien l'autorité, dans quelque pays que ce soit, n'a pas autorité à dire à l'Église que vous devez fermer à quelle heure. Vous avez fermé. Vous comprenez bien ce qu'il veut dire? Voilà, parce que le moment va venir sur l'Église. Le moment va venir sur l'Église où Dieu, parce qu'on est totalement entré dans le laxisme, dans le confort, que c'est la deuxième arme de Satan. Quand Satan ne poursuit pas les persécutions, il voit très bien que les chrétiens tiennent. Après, il laisse comme si on était bien en sécurité. dans cette sécurité, il utilise les moyens de séduction mondaine. Et c'est comme ça que l'église, le monde a glissé dans l'église. Alors, l'arme fatale de Satan a réussi. Donc, je préfère mieux la première option, la persécution. Vous n'aimez pas ça, n'est-ce pas? Dis à ton voisin, Jésus-Christ est le distributeur de persécution. Doit-on payer la dîme? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Waouh, Anne. Ok, si cette personne avait été là, oui, c'est tout vous. Cette question-ci, la bleue là, oui, parlez à haute voix, s'il vous plaît. C'est pas qu'il y a personne. Ok, je vais venir là-bas, bien, mais tu es la princesse de Jésus. J'ose croire que s'il y a un enlèvement, on sera ensemble là-bas. Pose la question comme ça, tout le monde soit. Oui, je voudrais savoir aussi concernant les groupes où les chrétiens de plusieurs dénominations se retrouvent souvent, en l'occurrence le GDEC, le Campus pour Christ, qu'est-ce qu'il en est? Merci de rappeler également cela. Si vous êtes dans un groupe ici, sachez que je n'ai rien contre vous. Je parle de la part de Dieu. Si vous sortez d'un groupe, c'est votre problème. C'est bien comme elle a signifié cela. Alors, Jebek, c'est elle qui a nommé. Je nomme parce qu'elle a nommé Campus pour Christ. Qu'elle a nommé. En fait, si vous connaissez qui est le fondateur de Campus pour Christ, vous saurez. Si vous savez ce qu'il a fait avec l'Église catholique, l'allégeance qu'il a fait avec l'Église catholique, vous sortirez de là. Vous parlez de l'Église catholique, de Campus pour Christ. Vous connaissez qui est l'initiateur? L'ex-sénateur des Nations Unies, là. Vous le connaissez? Vous savez ce qu'il a fait avec l'Église catholique maintenant? Tous ceux qui sont en Campus pour Christ sont vendus à l'Église catholique. Ah, vous dites Amen. Donc, après cette conférence, on va continuer. On va mettre les documents à votre disposition pour que vous voyez. Tous ces évangélistes là-bas, parce qu'en fait, ils ont fait d'abord d'après la réplique de l'Église catholique. Voilà pourquoi ils doivent les suivre. Imaginez que le chef qui a créé ce mouvement-là est en allégeance avec l'Église catholique. Bientôt, il va donner les informations, ça va circuler. En fait, comme c'est une forme pyramidale, les décisions sont prises aux États-Unis. Chaque région prend les mêmes décisions. On fait circuler, pas vrai? Si vous avez un château d'eau qui distribue l'eau dans toute cette ville-ci, on met l'eau de Javel dans le château d'eau. À la maison, vous buvez quoi? Tout simplement. Si c'est le, vous faites quoi? Si c'est le Arata qu'on verse là-dedans, vous buvez quoi à la maison? Voilà. Voilà pourquoi, quand ayant contacté et attrapé ce monsieur, le créateur de Campus pour Christ, vous êtes cuit dans Campus pour Christ. Parlons de Jebek. Vous voulez qu'on parle de ce groupe? En fait, c'est pour vous montrer que tout ce qui est association non scripturaire est forcément contrôlé par une puissance ténébreuse. Voilà pourquoi Satan initie des mouvements dans les lycées, dans les universités, pour que les gens y entrent. Sachant qu'il y a quelqu'un au-dessus. C'est la forme à chaque niveau. C'est la pyramide. Voilà pourquoi vous, femmes chrétiennes, qui allez dans les réunions mondiales, vous êtes cuites. Sortez de là. Sortez de là. Vous vous associez avec les sorcières. On ne peut pas bouffer l'argent là-bas. On parle. C'est ton tour. Elle parle dans le monde de ténèbres. Parle sur l'argent. Tu fais les activités, ça ne mange pas. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? La Bible déclare dans Amos 3:3 que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne s'accordent? Ok, Jebek, voici un catholique, voici un protestant, voici un pentecôtiste. Pentecôtiste, catholique français. Hey. Vous êtes en communion fraternelle? Déjà, ton voisin sort de là. Ok. D'accord, bien-aimé là? Jésus dit qu'il bâtira son église qui est le corps dont il est la tête. Comment donc comprendre que Jésus chasse les gens dans le temple? J'avoue que ça c'est le frère comme je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Jésus dit, bâtira son église qui est le corps dont il est la tête. Comment donc comprendre que Jésus chasse les gens dans le temple? En fait, si la question c'est une question, il est en train de confirmer ce que son église dit. Il faut que Jésus vous chasse du temple pour que vous soyez vraiment son corps. Donc, ce qu'il veut dire c'est que, en fait, voici ce qu'il cache derrière. Si c'était le corps, pourquoi il doit entrer dans le temple? Il dit, sortez ici. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Quelqu'un prend Hébreux chapitre 3, verset 6 là. Rapidement. Hébreux chapitre 3, verset 6. Hébreux chapitre 3, verset 6. Wow. Tu y es d'ailleurs, frère? Okay. 3, verset 6. Hébreux 3, verset 6. Le Christ est digne. Le Christ est digne de confiance. En tant que fils à la tête de la maison. Et la maison, c'est nous. Si de moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous donne notre espérance. Amen. Amen. Amen. Ah, vous voyez la partie A, la partie B. Frère Lian. Mais Christ les confie sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Stop. Vous avez compris? Tout le monde a compris? Tout le monde a compris. Christ les confie sur ça. Sa maison, c'est qui? En fait, de la même façon comme le temple typifiait, non. Ça veut dire que voici pourquoi le Seigneur s'élève en ce temps pour chasser tout ce qui n'était pas conforme dans son temple qui est ton corps. Tout le monde comprend ça? Les doctrines étrangères qui étaient enfuies dans ta tête, pourquoi Dieu envoie la parole pour chasser cela de la même façon? Il dit Christ, il compare Moïse comme ça. Moïse qui était serviteur sur la maison de Dieu, sur le peuple de Dieu en Israël. Tout le monde comprend? Maintenant, Christ l'est comme fils. Ça suppose qu'il y a une filiation entre lui et nous. Moïse était comme serviteur. Le serviteur ne traite pas serviteur comme le fils. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que et sa maison dont on parle là, c'est nous. Pas un temple. Tout le monde comprend? Je sais très bien que, vous savez, quand on a eu du temps à préparer, 4 ans à préparer sur du charbon de bois, la mamie des noix là, c'est pas facile de laver. Mais par la grâce du Seigneur, ça va se laver dans vos pensées. Même l'expression « je m'en vais à l'église » va changer de votre bouche. Comment tu peux aller à l'église alors que c'est toi qui es l'église? Je m'en vais à l'église. Es-tu allé à l'église aujourd'hui? Païen. Toi, tu es plus païen. Autre question. Compte tenu de tout ce qui a été dit, que signifie donc la mission aller faire de toutes les nations les disciples? Comment faire de toutes les nations les disciples? Voilà. Comment faire de toutes les nations les disciples? En faisant ce que Dieu dit de faire. On fait toutes les nations des disciples en faisant ce que Dieu a dit de faire. Toutes les nations des disciples. On prêche partout dans les nations, de la façon dont il a voulu qu'on prêche. Depuis au commencement, dans Actes chapitre 1, le verset 8, il a dit quand vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, à la Judée, dans toutes les extrémités de la terre, en témoignant tout simplement par le Saint-Esprit. Mais il faut qu'initialement le Saint-Esprit soit soit là. S'il n'est pas là, oubliez vos activités, ou bien vous allez carrément dans le monde. Il ne faut pas qu'on organise des activités, on masque avec le nom de Jésus. Si vous voulez faire votre balle danser ou quoi que ce soit, nuit de soirée dansante, ne mettez pas pour la gloire de Dieu là-dessus. Une défilée de mode, les sœurs sont dehors avec les cuisses comme ça, le frère dit, tu as vu la sœur là, hein? Il vous faut la délivrance. Soyez saints dans toute votre conduite, dit la parole. Donc il faut qu'on fasse les nations, les disciples, exactement comme Dieu a dit, à la façon dont il a dit. Comme il a initié au départ, c'est comme ça que ça va se continuer. Amen. Ok. Si je comprends bien parfaitement votre enseignement selon les Saintes Écritures, Dieu n'admet donc pas de belles créatures. Pourtant, il en est le créateur. Contradiction ou manipulation, interprétation. Wow. Tout ce que Dieu a créé est... Je pose la question. Quand on met quelque chose d'artificiel, ça, c'est plus bon. Comprenez la tomate qu'on a modifiée. Vous voyez comment c'est belle? Mais c'est la séduction. Parce que c'est ça qui donne le cancer. Vous avez entendu ce que Dieu a donné ou quelqu'un a mangé la banane pure, vraiment que Dieu a fait là, il a le cancer? D'où vient-il que plus on développe la technologie et en connaissance, plus de maladies augmentent? Parce que c'est nous-mêmes qui créons notre propre technologie pour nous détruire. C'est que si nous laissons les choses à leur état, on n'aurait pas de problème. Amen. Donc Dieu n'est pas contre la beauté, mais il veut que la beauté telle qu'il a laissée. C'est ça le problème. Si vous mettez, vous coiffez, vous faites que vos cils montent avant que ça descende. Quand tu fais comme ça, tu es comme le chat. Dieu n'a pas voulu que tu sois comme ça. Amen. Quand vous mettez les ongles comme ça, vous voulez effrayer quelqu'un. Salut le frère. Tu tends la main comme ça, le frère tremble. Tu peux glisser, blesser les gens. Amen. Dieu veut, dis à ton voisin, sois naturel. Sois dans l'état que Dieu t'a créé. Les femmes ont des problèmes véritablement avec le miroir. Le vrai miroir que vous devez avoir, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand Dieu dit de toi que tu es bon, dis je suis bon. Amen. Elle parle comme ça parce qu'elle a entendu comment un garçon dit là-bas que j'aime les minces. Elle voit comment elle est grasse. Elle commence à jeûner. C'est la grève de la faim. Parce qu'elle veut diminuer le kilo. Dieu t'aime comme ça. Amen. Question. Since we are... Ah, ça c'est en anglais. Since we are told not to wear jewelry and artificial hair because they are fabricated by the kingdom of darkness, what about the body and hair lotion we apply on our bodies? What about the shoes and dresses we wear on our bodies? Who manufacture them? Should we buy or make them ourselves? I don't know who has written this. The person is there. Are you there? Okay. When we say jewelry, we are not denouncing what we think to be denounced. We are saying what the word of God is saying. So we ought us to take the position that God has taken. When God has said something, we ought to say what he has said. In fact, if we are a servant of God, we will say what God has said to say. Amen. So if you want to wear your jewelry, just look at the word of God and see if he denies it. If he denies, you better put it away, dear sister. When you go at market, you see dresses with mark of dragons on it. Would you like to wear it? You know what in the Bible, what is symbolized by dragon? How can you wear the dragon and begin to say, we worship you, our Lord? Are you worshiping dragon or God? You have to take position. Be blessed, my dear sister. If you have further questions, you will see later. Amen. C'était pour elle. Maintenant. Alléluia. Maintenant, c'est le frère Mike. Le frère Mike. Ah, tout ce qu'on a parlé en français, vous avez eu pitié d'elle. Que le Seigneur vous bénisse. Sentez-vous à l'aise. Préparez-vous parce que ce qui arrive là, vous parlez des dénominations, vous allez voir des images maintenant. Donc, si vous voulez, je rappelle d'abord, les toilettes hommes sont par là-bas. Les toilettes femmes sont par là-bas. Amen. Oui, sentez-vous à l'aise parce que quand ça va commencer là, c'est le dénouement. Je crois qu'il ne faut pas que la technique fasse l'erreur pour pouvoir en rester. Il faut qu'on en reste véritablement ceci. Oui, frère? Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que si je sors d'une dénomination, je perds automatiquement mon salut? Voilà. Waouh. C'est de telles questions que j'aurais souhaité avoir ici. Vous voyez, les prédicateurs qu'on a formatés, moulés dans les centres dénominationnels, c'est-à-dire que c'est comme si c'est le centre d'asile des fous. On a matraqué là-bas. Quand tu veux sortir, on dit, Hébreux 10, 25, 10 ici. N'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est ça, n'est-ce pas, bien-aimé? Que n'abandonnez pas vos assemblées. Prenez votre temps de lire Hébreux chapitre 10 doucement. On parle de la réunion dans le corps de Christ. Il ne s'agit pas de l'assemblée physique là. Vous comprenez cela? Il ne s'agit pas de votre église. C'est vrai que si vous n'abandonnez pas, si vous travaillez à Douala, vous venez dans une assemblée qui est juste ici à côté. On vous a fait à Yaoundé, vous allez faire quoi? Vous allez quitter. Voilà comment une femme a eu des problèmes. Elle est allée en France parce que le frère qui l'a prêché dit que n'oublie pas, tu m'envoies tes dîmes. Elle envoie son dîme au frère. Que j'ai le droit, elle va manger. Vous voyez, vous avez parlé des clients. Maintenant, la fille allait en France. Elle dit, fais comment? Envoie-moi tes dîmes par où d'après quoi ça? Western Union. C'est quel genre de vie ça? En fait, c'est le clientélisme. Voilà pourquoi vous menacez que si vous sortez, vous êtes cuit là dehors. Regardez, si vous lisez ces Hébreux chapitre 10, verset 39, vous allez voir, la Bible déclare que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour garder, pour être sauvés. Alléluia. Que je sois dans cette assemblée, dans cette assemblée, ce n'est pas ça qui me fait que je sois sauvé. Parce que l'Église catholique dit que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Avant l'Église catholique, il n'y a pas le salut. Avant l'Église catholique, il n'y avait pas le salut. Il lui faut la délivrance. Vous voyez? Donc, les gens pensent qu'en sortant de leur dénomination, on perd le salut. C'est la dénomination qui t'a donné le salut. Qui a payé le prix à la croix pour vous? Jésus est-il dans la dénomination? Dis à ton voisin, sors de là. Amen. Ai-je bien répondu, bien-aimé? Y a-t-il encore des questions? Oui, une autre question. Oui. J'aimerais comprendre. Est-ce que il y a un modèle biblique qui montre que les assemblées étaient dirigées par une seule personne? Alors, tout le monde a lu sa Bible, n'est-ce pas, au moins? Pour ceux qui ont fait l'étude biblique, vous avez étudié ça aussi? Vous avez vu de telles choses dans la Bible? Amen. La Bible déclare dans Actes chapitre 20, si vous prenez à partir du verset 17, si vous prenez à partir du verset 17, la Bible déclare que des milliers, l'apôtre Paul fit envoyer à envoyer appeler les anciens d'église. Regardez bien ce qui est écrit. Fit appeler les anciens de l'église d'Éphèse. On a vu la dernière fois qu'il fait une ville comme Douala, n'est-ce pas? Mais il a envoyé appeler les anciens de l'église. Et la dernière fois, on vous a donné les versets ici, dans Actes chapitre 14, le verset 23. C'est écrit là-dedans qu'après avoir prié, fit nommer dans chaque assemblée les anciens. Dans chaque assemblée, les anciens. Dans chaque assemblée, les anciens. Donc, il n'y a pas de modèle biblique où il y a un seul homme au-dessus d'une communauté. Ça suppose que s'il est impudique, toute l'assemblée est souillée. Voilà pourquoi les assemblées doivent être contrôlées par les anciens, un comité d'anciens, où il n'y a personne qui prédomine, personne qui a un plein pouvoir au-dessus. C'est comme ça que ça a commencé avec Ignace d'Antioche, qui a dit que l'évêque de Rome était au-dessus maintenant de tous les autres évêques. Conséquence, on a voulu aller à Rome chaque fois pour s'enquérir de quoi que ce soit des doctrines chrétiennes, ce qui n'est pas scripturaire. On doit se réunir. Si tel vit dans le péché, on dit que frère, tu n'es pas digne de péché, repends-toi, on le met de côté. Un ancien. Vous comprenez cela? Maintenant, vous connaissez ce que votre pasteur fait? Certains d'entre vous, il vous drague même. Et vous savez, vous êtes quand même là pour que vous impose de même pour vous bénir, de l'onction, des débauches. Donc, l'assemblée est dirigée par une communauté d'anciens. Amen. Il n'y a pas de modèle biblique, il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui montre qu'une église est dirigée par une seule personne. Tout le monde comprend? En fait, il n'y a pas ça dans votre Bible. Le parler en langue, qu'est-ce que c'est? Waouh! C'est ce qu'on appelle les théologiens, c'est ce que les théologiens, ceux qui ont fait l'étude biblique comprendront, c'est la glossolalie, la glossolalie. C'est ce qu'on appelle la glossolalie, le parler en langue, c'est-à-dire que l'aptitude de parler en une langue étrangère, donnée par l'esprit. Mais les pentecôtistes ont gâté le dehors. Quelqu'un vient à la télévision, même mondaine, on dit que tu parles anglais, il dit oui. Après, elle dit qu'elle est prophétesse, avec, évêquoise. Donc, le parler en langue, si la sœur qui, je ne sais pas qui a envoyé cela, c'est. Si la personne est dans la salle, le parler en langue, vous pouvez prendre votre Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, tout est expliqué là-bas. Il dit que si je parle en langue, je rends beaucoup d'actions de grâce à Dieu, mais celui qui est à côté de moi n'est pas édifié parce qu'il n'entend pas ce qu'il dit. Lorsque je parle en langue, je parle en esprit, je déclare les mystères, personne ne m'écoute, mais le Dieu m'écoute. Vous comprenez cela? Maintenant, l'apôtre exhorte qu'il faut que ceux qui parlent en langue prient pour avoir le don d'interpréter. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que quand on se réunit, que tout se passe en ordre. Donc, que 1 ou 2 ou 3, c'est le désordre encore dans nos dénominations aujourd'hui. Les gens se mettent comme ça, ils croient que c'est le marché. Tout le monde parle à la fois. Pourtant, la Bible dit que 2 ou 3 ou plus parlent et que les autres interprètent. S'il n'y a pas d'interprète, c'est ce qui se passe, bien-aimé. Dis à ton voisin la réforme finale de l'église. Pendant qu'on parle comme ça, d'autres sont à l'intérieur, ils rendent vraiment grâce à Dieu. D'autres sont à l'intérieur, ils blasphèment parce que c'est l'esprit satanique qui parle. Dieu n'est pas dans la confusion. Amen. Donc, il y a les enseignements que le frère Olivier a prêché là-dessus. Les CD sont disponibles là-bas pour la personne qui voudrait un enseignement bien là-dessus, plus approfondi. Frère Georges dit, frère, que dirons-nous des églises, des maisons mais qui font exactement les programmes comme des dénominations. Ah, voilà, ça veut dire que les églises des maisons, voilà la chose. C'est-à-dire, les églises des maisons, cette appellation également, ça me fait mal au cœur, là. C'est l'église des maisons. Hein? L'assemblée qui se réunit dans les maisons, d'accord? Ok. Cette assemblée-là, ce qui est curieux, et lorsque je parlais de l'historicité de l'église, là, l'histoire de l'église, je suis arrivé au point, j'ai dit, en 1980, dans les années 80, une autre vague est sortie après les pentecôtistes, dites les églises des réveils. N'est-ce pas? Toutes ces églises de réveil ont commencé dans les maisons. Vrai? Plus tard, ils ont acheté des terrains. Vrai? Mis la plaque. Ils sont devenus encore des pentecôtistes. C'est les mêmes. Juste aller quelque part. Pendant c'était ordonné jusqu'à ce que tu pouvais savoir clairement ce qui va se passer par la suite. C'est comme les gens qui vont dans leur dénomination, la plus grande, la grand-mère, hein, le dimanche. Ils s'assoient là, ils savent ce que le prêtre va dire. J'étais étonné. Le pape vient là, quand il fait à Canal 2, le monsieur qui est à Canal 2 dit ce que le pape va faire. Il dit, mais il a programmé ça avec le pape. Avant qu'on m'a dit que c'est comme ça, on sait ça partout. Si on sait ça partout, pourquoi y aller? Tu restes chez toi, tu dis qu'à partir de ce moment, c'est moi qui fais comme ça là. Vous faites la même chose. Il n'y a plus de surplus du Saint-Esprit. En fait, on a mis le Saint-Esprit à côté de la plaque. Donc, ce qui est curieux donc, maintenant, c'est que les gens sortent des dénominations. Ils ne sortent pas de la manière. En fait, si tu ne sors pas à la manière du Saint-Esprit, tu vas répliquer la même chose. Parce qu'en fait, ce n'est pas de cette dénomination seulement qui va sortir, qu'il faut sortir. Écoutez bien, bien aimé. Ne ratez pas ceci. Ne ratez pas ceci. Il ne faut pas non seulement sortir physiquement, il faut sortir spirituellement. Si vous ne sortez pas spirituellement, c'est que la dénomination t'aura inculqué, tu vas répliquer. Voilà pourquoi il faut que le Saint-Esprit nous renouvelle. Renouvelle notre pensée, notre façon de voir, pour que nous voyons à la manière de la parole. Parce que Babylone est premièrement un système de pensée. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Tout le monde comprend? C'est un système de pensée. C'est-à-dire que c'est d'abord la pensée. On vous inculque quelque chose dans la pensée. Vous avez l'habitude de le faire. Après, maintenant, ça devient la routine. Les gens sont sortis dans les assemblées. J'entends derrière, pendant qu'on voulait m'introduire pour prêcher, c'était quelqu'un qui veut profiter à chaque, à chaque, à chaque, à chaque, à chaque. Ainsi parle l'Éternel. Bientôt, sera une grande église. Dit, tchaï, l'Éternel, le Dieu qui m'a dit qu'il faut qu'on sorte là. Vous serez bientôt une grande église. C'est grave. Donc, ils sont replacés dans la maison par suite des frustrations dans les dénominations. Si tu sors par frustration, tu vas faire des choses par rébellion. Vous comprenez? Alors, il faut sortir de la bonne manière. Il faut comprendre tout simplement ceci. Parce que Dieu a dit que je sors de là, je sors par obéissance. Vous comprenez? et laissez que le Saint-Esprit nettoie toutes ces choses. Moi, à votre place, j'ai déchiré tous ces enseignements-là, je prends seulement ma Bible pour recommencer de nouveau. Comme si je suis né de nouveau maintenant. Est-ce que vous comprenez? Donc, les assemblées des maisons, beaucoup sont là. Remarquez bien, quand nous sommes de parler, ceux qui sont de l'Église catholique savent ce qu'ils sont de parler. Non seulement les paroisses sont là, ils ont les assemblées des maisons, vrai ou faux? Voilà. Voici la différence maintenant, c'est que tous ces assemblées des maisons rendent compte à la paroisse qui est dans la zone. Vrai? La pyramide miniaturisée. Voilà, toutes les assemblées des maisons étaient indépendantes. Gardez ces mots-là. Et autonomes. L'assemblée des maisons ne rend pas compte quelque part. Le flou gospel a le même modèle. Ils ont une structure, je ne sais pas comment vous appelez ça, une structure quelque part, mais dans chaque, les membres de l'assemblée ont les réunions qui se passent dans les maisons. Mais il faut rendre compte au super pasteur, au pasteur régional ou quoi que ce soit. Le même système. Vous allez beau parler contre l'Église catholique, vous êtes identique, quelle que soit la dénomination, quelle que soit. Vous voyez cela, vous voyez maintenant, ça veut dire que l'assemblée d'ici n'a pas à rendre compte là-bas, même si c'est la même personne qui a fondé. Il fait seulement l'œuvre, Dieu l'utilise pour faire l'œuvre. Ce n'est pas son œuvre à lui, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est l'Église du Seigneur. Nous sommes seulement les instruments qu'il utilise. Amen. Vous imaginez par exemple Philippe, il rencontre, le Saint-Esprit l'enlève, boum, va dans le désert, sur la rue désert qui descend à Gaza. Ah, prêche lui, annonce, avance-toi au char. Vous connaissez de quoi j'ai parlé, non? Ah, il annonce. Après, il a amené à Jérusalem pour demeurer là-bas. Il a ramené à Jérusalem pour demeurer là-bas. Je pose une question, qu'est-ce qui ne va pas avec nous aujourd'hui? Il y a d'autres qui disent faisait des disciples. Ça sort de tous ces titres-là. Quand il a annoncé l'évangile, celui-là qui l'a baptisé, n'est-ce pas, il l'a laissé? Le Saint-Esprit l'a enlevé pour lui dire que, à partir de maintenant, ton œuvre est terminée. Elle entre mes mains. Quand l'élu éthiopien est parti là-bas, qui l'a contrôlé là-bas? Maintenant, si on en croit au pentecôtiste, comme il a abandonné l'assemblée de Jérusalem, ils sont perdus, n'est-ce pas? Le salut est perdu. N'est-ce pas, bien-aimé? Oh, faites attention, d'accord? Que tu sois enfant de Dieu, si tu es né de nouveau, tu es relation avec le Seigneur, soit en Gelmeduka, à Ayemoudjok, à Kousseri, n'importe quoi, dans le sud du Samelima, Dieu sait que tu es là-bas. Dieu sait que tu es là-bas. Amen. Donc si quelqu'un sort dans un... Voilà pourquoi si vous avez des bien-aimés qui sont sortis dans une maison, il faut les amener doucement. Parce que beaucoup sont dans la maison par frustration. On a cité. Tu es en retard, frère. Le frère est en retard. Alléluia. Dieu nous a envoyés pour parler ces choses-là afin que nous soyons éclairés. Nous sommes là pour que si les gens sont bien d'accord, que nous regardons la parole de Dieu autrement, de la façon que le Seigneur veut et que nous avancions à la manière que le Seigneur veut. Nous ne sommes pas là pour dire arrêtez ceci. Non. Nous présentons la parole. Les gens doivent choisir. Bien-aimés, est-ce que nous nous connaissons les uns les autres? Vous êtes venus, c'est sûrement quelqu'un vous a parlé, la fiche vous a parlé, vous êtes venus ici, mais Dieu vous a amené. Oui. Si tu étais choriste chez toi, sache que désormais ton don de chorale tombe dans cette cinéma Eden-ci. Parce qu'il n'y a pas ça. Amen. Frère Mike, demande-moi, j'imagine que s'il n'est pas dans la salle, il ne faut pas. Quelqu'un est là. Frère Mike, celui qui a posé la question. Frère Mike, il est là. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici mes préoccupations concernant votre enseignement sur l'Église, notamment le cadre dans lequel les chrétiens devraient se retrouver pour communier. Acte 2, 46. Nous parle des temples. Ah, frère, bien aimé, ce jour-là, même on a traité ça, n'est-ce pas? Par rapport à donc, c'est lui qui s'est répondu. Par rapport au temple. Concernant la réforme finale de l'Église, si Jean-Baptiste avait été le propulseur de la première réforme qui préparait la venue du Seigneur Jésus, les Jean-Baptistes que Dieu suscitera en ces temps de la fin, comment les repérer? Comment les distinguer? Des faux prophètes annoncés dans l'enseignement. Comment distinguer les faux prophètes dont l'apôtre Paul a enseigné? N'est-ce pas? Ok. Beaucoup de questions. Ok. Le frère se dit comme ça. Quand Jésus-Christ venait la première fois, il y avait un Jean-Baptiste qui est venu pour annoncer sa venue. Maintenant, pour que Jésus-Christ vienne chaque fois, et c'est scripturaire, il faut qu'il y ait Jean-Baptiste pour annoncer. Maintenant, il a appelé, et c'est bien appelé, les Jean-Baptistes. Parce qu'il ne faut pas seulement qu'il y ait un seul Jean-Baptiste. Parce qu'il faut que ça soit partout. En ce temps, Jésus-Christ venait pour la nation juste. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait un Jean-Baptiste. Maintenant, Jésus-Christ vient pour toutes les nations, tous ceux qui l'attendent partout. Donc, il faut que les gens soient suscités de part et d'autre pour les pousser à se préparer. Amen. Maintenant, le problème, c'est comment les reconnaître. En fait, si tu n'es pas dans le plan de Dieu pour les reconnaître, tu ne les reconnaîtras point. C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Quand Jean-Baptiste est venu, les gens qui étaient humbles, qui étaient préparés, qui s'attendaient au Seigneur, ont reconnu Jean-Baptiste. Les pharisiens n'ont pas attendu, n'ont pas reconnu parce que pourtant ils avaient l'écriture. Ils sont allés vers lui demander que tu es qui? Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il a dit ça, n'est-ce pas? Il s'est identifié. Alors maintenant, quand on dit voici les ouvriers de la dernière heure, peux-tu comprendre bien cela? Les ouvriers de la dernière heure. Pouvez-vous comprendre cela? Alors, si on dit nous sommes les ouvriers de la dernière heure, tel qu'annoncé dans la Bible, vous comprenez bien cela? Alors, si vous pouvez comprendre, vous comprenez. Deuxième volet donc, comment on reconnaît les faux prophètes? Comment Jésus-Christ nous a demandé de reconnaître dans Matthieu chapitre 7? Il a dit quoi? Par le fruit. Amen. Il n'y a pas deux façons d'identifier. Si vous croyez qu'il y a un gris que tu vas vous regarder par derrière, il n'y en a pas. Le discernement des esprits, il faut que tu connaisses la parole. Pourquoi il faut que vous lisiez la parole? Tout enseignement qui n'est pas consistant avec la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. Forcément, c'est du diable. Comment quelqu'un peut rester devant le pupitre? Il dit, Dieu me montre ici que faites un pas de foi, mettez l'argent ici. Vous voyez ça? Et les gens qui la vrou, ils partent donner. L'autre a dit la dernière fois quand il était dans le monde ténèbres, il commandait 365 démons. Et chaque démon était ordonné pour aller détruire chaque jour. Donc maintenant, quand il est dans le royaume de Dieu, maintenant, il a encore le même commandement sur le démon. Ça suppose qu'il n'est pas délivré. C'est 365 démons. Que si vous amenez 365 000 ici, il va s'assurer que tous les 365 jours qui vont venir. Je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a dit. J'ai suivi la personne de lui parler. J'ai dit, 365 000. Il va s'assurer que chaque jour-là, il va chasser les démons-là qui viennent te dévorer. Les gens, les femmes avec le cabas, ils ne peuvent pas voler l'argent de leur mari à la maison. Vous venez donner. Elles rentrent à la maison, c'est pire qu'avant. Les démons plutôt viennent. Pourquoi mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances? D'où vient-il que cette doctrine étrangère vient et vous acceptez? Si les gens viennent ici pour vous dépouiller, vous allez accepter. Mais quand on dit soutenir l'œuvre de Dieu, vous ne le faites pas. Vous voyez? On est enclin à faire ce que Dieu n'a pas demandé. Ce que Dieu a demandé, on ne fait pas. Il a dit à Saül, va, tu tues tout. Saül a pris. Il a fait certains à laisser. Souvenez-vous, Dieu n'a pas regardé ce que Saül a fait. Il a considéré ce qu'il n'a pas fait, que Dieu avait, ce qu'il a manqué de faire. Vous comprenez bien, aimé? Donc, avis à vous, les femmes qui enseignent. Dieu n'a pas dit que vous n'enseignez pas bien. Il a dit que vous ne devez pas le faire. Enseigne bien. Il va te dire, ok, tu as bien enseigné ma fille. Ok. Qui t'avait envoyé? Et alors tu vas lui dire ce que c'est. Dieu n'a pas dit que vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. Mais il dit vous ne devrez pas le faire. Amen. Oh. Donc, pour reconnaître les faux prophètes, regardez les enseignements. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous pouvez savoir ce qui est de la Bible ou pas. J'ose croire qu'avant que Jésus ne vienne, la Samaritaine avait tellement reçu les enseignements. On a tellement embrouillé que si tu ne viens pas à Jérusalem, tu n'as pas le salut, tu ne viens pas ici. Elle était embrouillée, mais Jésus était au milieu. Il dit, ce n'est ni là-bas, ni là-bas. C'est ici, c'est moi. Je suis le Messie, moi qui te parle. Alléluia. Nous vous indiquons, bien aimé, la parole de Dieu. Retournez à votre parole. À la parole de Dieu que vous avez avec vous. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas scripturaire, quelle que soit la personne, s'il fait pouf, le feu descend. Dit que même Satan fait cela. La parole de Dieu, c'est ça que je veux savoir. Amen. Jean-Baptiste a-t-il prêché avec les miracles? Les gens n'ont-ils pas cru? Pourquoi donc les gens qui avaient été là depuis 1500 ans sont allés vers Jean-Baptiste, qui était un renégat avec les peaux de bête? Quand il marchait, les mouches le suivaient partout. Pourquoi les gens sont allés vers... Que faut-il faire? Pourtant, ils avaient des sacrificateurs là-bas, des caïfs et autres là-bas. Ils étaient là. Qui étaient censés enseigner le peuple? La Bible déclare à Malachie chapitre 2 que le sacrificateur, l'élève des sacrificateurs doivent donner la science, la connaissance. Pourquoi eux, les sacrificateurs, ne donnaient pas cela? Le peuple était déprimé, opprimé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des enseignements pour se leur dire ce qu'il faut faire pour être prêt devant le Seigneur. Vrai? Alors pourquoi donc doit-il aller vers Jean-Baptiste encore pour demander? Parce que tout le système qui était sur place avait été métamorphosé par Satan. Donc il faut que Dieu suscite, merci, il faut que Dieu suscite encore une nouvelle ordre. Il y a des gens qui ne peuvent pas se compromettre, que Dieu prépare dans le désert pour relâcher, pour enlever les enfants dont le cœur a été attristé, brisé par les dénominations. Les voici. Troisième question concernant le ministère des femmes dans l'église. Que comprendre de ces paroles de Joël 2, 28? Ces femmes qui ont été l'auteur de plusieurs réveils en Asie et en Europe au 19e siècle. Waouh! On a répondu à ces questions, n'est-ce pas le frère qui a ça? On a répondu au courant de l'enseignement, n'est-ce pas bien aimé? On a dit que le réveil, ça ne veut pas dire que tu es conducteur de réveil. Et même si elles enseignent, souvenez-vous, femmes, avant que Dieu ne dise que vous ne devez pas enseigner, vous n'étiez pas encore nés. Son âge est plus grand que la vôtre et que celle de la terre. Souvenez-vous, à jamais, à toujours, ta parole est écrite dans les cieux. Donc là, les cieux, c'est écrit comme ça. Ce n'est pas un problème culturel. Autre question de Josué. Y a-t-il un rapport entre la reconstruction du temple de Jérusalem et le retour de Jésus? Exactement. Il y a effectivement un rapport entre la reconstruction du temple de Jérusalem et le retour de Jésus. Puisque Jésus-Christ il ne faut pas confondre le retour avec l'avènement. C'est deux événements différents. D'accord? Il y a trois venues, il y a un seul retour. Ce n'est pas l'objet ici. Donc, il y a un rapport entre la reconstruction du temple et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut qu'il retourne pour régner à Jérusalem physiquement. Quelqu'un dit physiquement. C'est la parousia. Ça veut dire que la parousia, c'est que la présence doit être physique, manifeste. On doit le voir. D'accord? Maintenant, vous connaissez la célèbre... cette mosquée-là, quand vous voyez la télévision, cette mosquée-là, le dôme du rocher, où c'est jaune-là. Comment on appelle ça quoi? Mosquée d'Al-Aqsa. C'est l'emplacement où il y a cette mosquée, c'est exactement là-bas que le temple va être construit avant que Jésus-Christ ne vienne. En fait, tous les ustensiles, tout ce qui est nécessaire pour construire le temple est déjà prêt, est déjà préparé. Il reste maintenant seulement à détruire le temple. Le problème maintenant, c'est que l'emplacement là, c'est l'emplacement où le Salomon avait construit le temple. C'est l'emplacement du temple. Et c'est l'emplacement où les musulmans ont construit maintenant. Donc c'est les musulmans qui occupent la position. Vous voyez pourquoi le problème du monde vient de là, n'est-ce pas? Tous les problèmes que vous avez dans le monde maintenant sortent de cette chose-là. Maintenant, bien aimé, je vais vous dire, s'il arrive un jour, vous entendez au journal que la reconstruction du temple est terminée, sachez que vous n'avez pas été enlevé. Donc, si vous voyez votre journal, vous entendez que le temple est fini. Ça qu'il y a eu enlèvement, vous ne savez pas tout simplement. Alors, cherchez les CD de la réforme. Vous entrez dans votre maison, vous voyez ce qu'il faut faire pour passer à la seconde tribulation, à la grande tribulation. Amen. Non, on ne sera plus, vous pouvez prendre notre laptop et notre téléphone. Appelez comme vous voulez, on ne répondra plus. Amen. Dis à ton voisin, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Alléluia. Donc, effectivement, il y a un rapport entre la construction. Vous lisez Ézéchiel, chapitre, les deux derniers chapitres d'Ézéchiel, on parle effectivement de cela. Cette reconstruction de ce temps. Parce que le Seigneur va venir régner sur la terre, bien-aimé. Il faut qu'il sache pas se montrer aux Juifs. Dans Zacharie, chapitre 11, il dit qu'il va déverser son esprit à Jérusalem. Chaque maison se réunira, chaque maison une fois de plus. La maison de Jacob, la maison de Joseph vont se réunir, ils vont pleurer sur lui. Comme on pleure sur un fils bien-aimé. Et bien, on va lui demander au chapitre 10, verset 13, on lui demandera d'où vient cette blessure entre les mains. Il dit que je séchais les amis que je les ai obtenus. Vous avez déjà lu ça dans les Écritures, bien-aimé? Il va aller se présenter. Alors, si vous lisez la Genèse, Genèse au chapitre 49, du chapitre 48 à 49, c'est exactement ce qui est symbolisé par la venue de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères comme Jésus l'a été par ses propres frères. Vous voyez cela? Il a été vendu par ses frères dans un pays étranger comme Jésus a été vendu aux mondains. C'est le mondain qui l'ont crucifié. C'est les mondains qui ont pris Joseph. Étant dans le monde, Joseph a pris un mondain. Exactement comme on a vendu Jésus dans le monde, il a pris une épouse dans le monde. Mais après, il s'est présenté à ses frères. Mais pour qu'il se présente à ses frères, remarquez, si vous lisez votre Genèse, il a dit que tout le monde sort hors du palais. Il part dans le palais. Vrai? Il a mis tous ceux qui étaient de la nation. Tous ceux qui étaient de la nation dans le palais pour se présenter à ses frères. Voilà pourquoi, pour qu'il se présente, Jésus qui se présente aux Juifs, il faut que l'église soit enlevée. Voilà pourquoi je vous ai dit que si quelqu'un voit la construction du temple, je suis parti. Amen. Donc le frère qui a posé cette question, il y a effectivement un rapport entre cela, le retour de Jésus. Si vous voulez regarder le plan de Dieu par rapport à l'humanité, regardez, observez Israël, ce qui se passe en Israël au Moyen-Orient. C'est ça, c'est l'horloge de Dieu. Quelqu'un a écrit est-ce que le mot ecclésia que Jésus utilise dans Matthieu 16, verset 18, lequel mot n'est d'origine hébreu? Lequel mot n'est pas d'origine hébreu? Quel est l'équivalent hébreu que Jésus aurait utilisé devant ses disciples qui sont hébreux? Pourquoi Paul revenait souvent passer la Pentecôte? Cette question, on a également répondu à ça, et c'est que Paul partait parce qu'il fallait qu'il prenne au maximum les... Parce qu'il a dit que, je les rends grâce qui servent Dieu, mais dans l'ignorance, pas vrai. Il prie pour eux, il achève cette chose-là, cette souffrance dans son corps, voulant que les élus également aient part au salut. Ok. Pourquoi Paul revenait souvent passer la Pentecôte à Jérusalem, dans le temple où il fut saisi et traîné? On a répondu. Acte 21, 26 nous dit que Paul s'est purifié. On a répondu à cela, quand on est dans le temple. Donc le premier, c'est est-ce que le mot ecclésia que Jésus. Donc en fait, il veut savoir quel est l'équivalent du mot ecclésia, puisque dans le Nouveau Testament, forcément, Jésus n'a pas parlé en grec. Nous sommes d'accord. Mais le problème, c'est que c'est écrit en grec. Comment vous allez faire? 4. Pendant 14 ans de ministère, sans. J'espère que c'est. J'ai pas 14 ans de ministère au. Je crois que c'est le frère qui a parlé. J'espère que ça le concerne ici. Tu as chaud ici, frère. Après, pendant 14 ans de ministère, sans que l'esprit. Sous quel esprit opérais-tu? Tu vas voir ta part ici, là, maintenant. Puisque Dieu n'y était pas. qui servais-tu, le diable ou Jésus? Bien-aimé, viens te placer devant. Oui, il faut la transparence, bien-aimé. Hein? Oui. Je servais Dieu, mais dans l'ignorant. Amen. Amen. Il servait Dieu dans l'ignorance. Si quelqu'un veut nous rencontrer personnellement, qui se sente dit de venir nous voir, allez. Amen. Je ne peux pas répondre à ce que je ne connais pas. Je ne peux pas répondre à ce qui c'est même pas adressé. Voilà pourquoi il devait répondre. Amen. Parlant des sept églises d'Asie, six sont admirées et toutes sont appelées à la repentance. Ne pensez-vous pas que les assemblées des différentes dénominations puissent être appelées à la repentance et à la réforme finale de l'Église? Effectivement, c'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour les appeler à la repentance, que nous avions fonctionné sous des fausses régimes, maintenant changeons. Comme le frère a dit, n'est-ce pas? Pendant 14 ans, l'apôtre Paul lui-même a dit que j'agissais par ignorance. Il persécutait à outrance l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Ok, maintenant avant de terminer, parce que je vais laisser la place rapidement, et on va continuer avec les questions aussi, d'accord, bien-aimé? Je vais dire quelque chose maintenant, avant de laisser la place véritablement. Il faut que vous remarquiez que dans les périodes de transition, c'est bizarre dans le plan de Dieu. Nous nous trouvons dans l'époque des transitions. C'est ça qui est le problème. Tout le monde comprend? L'époque de transition n'est pas facile. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Le frère a expliqué la dernière fois que lorsqu'on plante le maïs, par exemple, la graine de maïs, quand la tige sort là-bas, la tige qui sort là n'est pas le maïs, n'est-ce pas? Mais ça porte la semence en elle. Chacun des vases que Dieu a utilisé à la suite des temps, durant les réveils, quoi, vous avez l'enseignement sur le réveil là-bas, les six grands réveils qu'il y a eu. Chaque vase a par la suite, avec la vie en elle, c'est compromise. Chaque vase est compromise. Tout le monde comprend? Après ça, ils ont formé les écoles bibliques, les écoles missionnaires. Après ça, ils ont formé les dénominations, le Saint-Esprit est quitté. Mais pourtant, ça portait la vie. Les gens sont issus à l'intérieur, ils vont sortir. Dieu va les faire sortir. Dieu va les faire sortir. Vous comprenez cela? Les périodes de transition, ça veut dire quoi? Dieu a permis que les dénominations fonctionnent jusqu'à ce qu'on arrive à cette époque-ci. Maintenant, c'est terminé. Il faut que le maïs d'origine sorte. De la même façon comme Dieu avait permis que les gens fonctionnent sous la loi. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Jusqu'à ce que Jésus entre au milieu. Le problème, ce n'est pas eux. Ceux qui étaient là, c'est parce qu'ils étaient habitués. On les a habitués à certaines choses. Quand ils sont là, on est en train de préparer. Ils sont dans la période de transition. Ces gens-là, les gens-là sont. C'est délicat de croire. Parce qu'on a l'habitude d'être là à l'intérieur. Toute personne qui a l'habitude de faire quelque chose, quand on veut annoncer quelque chose de nouveau, c'est difficile. Donc souvenez-vous de ceci. Nous vivons une époque de transition où on quitte des dénominations pour retourner à la maison. Amen. Vérifiez vraiment cela. D'accord, bien-aimé? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va continuer avec les questions si Dieu le permet demain. Et si on ne répond pas à ces questions ici comme ça, individuellement, je ne sais pas comment on va faire, on va vous répondre. Mais toutes vos questions, on va répondre. Vous êtes témoin que j'ai présent devant ici et vous avez répondu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus? C'est Jésus-Christ qui doit être élevé. On nous a habitués à acclamer les hommes. Mais il faut qu'on élève Jésus. Je vous supplie, s'il vous plaît, sentez-vous libre. Je souhaiterais que vous posiez vos questions vous-même au lieu de les écrire. Alléluia. Exprimez-vous. Parce que certains d'entre vous, vous êtes étouffés dans les milieux ou dans les vases dans lesquels vous vous trouvez. Vous ne pouvez pas parler. Donc c'est le temps pour vous de poser vos questions. Ne les écrivez pas, parce que quand vous écrivez, lorsque quelqu'un d'autre les transcrit, il dilue un peu, il n'est pas dans votre esprit. Il ne peut pas exactement exprimer ce que vous voulez dire. C'est mieux que vous posez votre question. Donc, la qualité de votre langue importe peu. Alléluia. C'est pas ce que Dieu regarde. Que tu parles bien ou mal, ce sont les hommes qui regarde ça. Dieu lui considère ce que tu veux comprendre. Ce sont les hommes qui vont dire que non, elle ne s'exprime pas bien. Ou soit comme le frère Olivier disait, ce sont les hommes qui diront que non, elle a une belle voix. Dieu ne regarde pas ça. C'est mieux que vous posiez vos questions vous-même. Pendant que le frère Olivier se prépare, nous allons observer une courte pause. Nous allons chanter parce qu'il va nous parler de Babylone. Il parle du système pyramidal, mais nous allons mieux le comprendre avec les illustrations. Qu'est-ce que ça signifie? La pyramide, c'est quoi? Comment est-ce que, de manière palpable, on la voit dans les dénominations? Comment est-ce qu'elle s'exprime? Comment est-ce qu'elle se décline? Ça fait pratiquement 4 jours aujourd'hui que cette conférence est sur le chemin, donc elle s'achève demain. Et vous avez écouté, vous avez reçu. Nous voulons également savoir votre sentiment. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Est-ce que quelqu'un, après ce qu'il a écouté depuis 4 jours, a quelque chose qu'il voudrait exprimer au milieu des frères? Alléluia. Qui sait que c'est une famille ici? Acclamez pour Jésus. C'est-à-dire que Jésus-Christ sait que vous êtes réunis pour lui. Comme Jésus sait que vous êtes réunis pour lui, sentez-vous libre de dire à Jésus que voici ce que je vivais, voici ce que je suis, voici ce que j'ai compris. Est-ce que quelqu'un a-t-il un témoignage qu'il veut partager avec nous? Merci. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce au Seigneur qui m'a permis de venir à cette conférence parce que tout ce que Dieu fait dans nos vies est merveilleux et c'est pour nous permettre d'aller de gloire en gloire comme il a dit dans sa parole. Bien avant de venir, avant que cette conférence ne soit organisée, il y avait des choses dans ma vie. Et je crois que le chrétien, lorsqu'il accumule beaucoup de choses dans sa vie, il a besoin d'un temps. Qui doit chercher la face du Seigneur pour pouvoir avancer, non seulement dans la parole, même dans la prière. Et le premier jour de cette conférence, durant la louange ou l'adoration, j'ai compris beaucoup de choses. Et à travers cela, le Seigneur m'a fait comprendre que chaque minute, chaque heure de ma vie, chaque instant de ma vie compte beaucoup pour lui. Il m'a permis de vraiment matérialiser 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 dans ma vie. Le chrétien doit s'examiner jour et nuit pour savoir vraiment s'il est en train de marcher dans la direction que le Seigneur lui donne. Et je lui rends vraiment grâce parce que, franchement, la dimension dans laquelle je suis avec le Seigneur maintenant, les choses ont changé. Je vois autrement maintenant, la direction de ma vision a changé. Et en moi-même, je sens ce grand changement et je sens autour de moi ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Vous avez vu, la sœur dit que c'est la parole qui a changé sa manière de voir les choses. C'est la parole de Dieu qui devrait changer notre manière de voir les choses. Alléluia. Et non un homme. J'ai constaté quelque chose. Lorsque le message de la réforme, ou soit lorsque Dieu veut rétablir l'ordre, ça gêne beaucoup. Ça gêne beaucoup parce qu'on a été dans le système. Pourquoi? La majorité sont ceux qui ne lisent pas la parole, ils ne connaissent pas la loi. C'est pour cela que lorsqu'on parle devant quelqu'un, il a l'impression que c'est l'opinion d'un homme. Alléluia. Ce n'est pas l'opinion. C'est la parole de Dieu qui dit et on doit s'en tenir. Si la Bible dit ceci, tenez-vous à cela. Parce que on a gardé nos Bibles. On les lit par moment, par horoscope. C'est pour cela que lorsqu'on parle même d'un verset, certains ne connaissent même plus là où l'évangile de Jean se trouve. Mais il va te dire que depuis 20 ans qu'il marche avec Dieu. Le Seigneur voudrait te reformer. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait partager son expérience également? Merci. Bonsoir frères et sœurs. En fait, pour moi, c'est... Déjà, je rends grâce à Dieu. Déjà, pour le fait que pour ce séminaire, ça a beaucoup changé les choses dans ma vie. Et déjà aussi pour ma sœur avec qui je suis. Déjà, je rends grâce parce que au Seigneur, tout simplement parce que elle déjà, je suis avec elle depuis. Et moi, j'ai cru. J'ai donné ma vie au Seigneur et elle, c'était pas le cas pour elle. Car cela ne tienne, je faisais des efforts, je priais beaucoup Dieu, que Seigneur permet que tu puisses toucher son cœur, qu'elle puisse aussi partager le même plaisir où je me retrouve, je dis le Seigneur avec elle. Et je rends grâce à Dieu parce que ce séminaire a permis que, déjà hier, je rentre en salle de prière avec elle, une cellule à Ange Raphaël. Elle me dit, sincèrement Alain, par rapport au séminaire, que le séminaire est vraiment convaincu. Donc je me suis rendu compte que ce séminaire a fait de telle sorte qu'elle-même, intérieurement, elle me dit non, sincèrement, aujourd'hui, ce qu'elle m'a parlé de penser à pouvoir se baptiser. Tu vois, moi, je rends grâce au Seigneur pour ça, parce que je dis, par rapport à ce séminaire, ça allait permettre qu'elle accomplisse beaucoup de choses, au point où aujourd'hui, elle a pris une position, et je pense que sa position est vraiment ferme dans le Seigneur. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Alléluia. Il y a plus de joie au ciel. Est-ce que vous pouvez terminer la suite? Applaudissez pour Jésus. Voilà ce qui amène la joie au ciel. La Bible n'a pas dit que c'est lorsqu'on vous accorde un visa. Parce que Jésus n'est pas l'ambassadeur. Ou soit lorsque vous arrivez à la mairie ou vous transformez Jésus en maire. Lorsqu'une âme perdue est retrouvée, c'est ce qui amène la joie au ciel. C'est ce qui devrait faire notre préoccupation. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Merci. Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur pour cette conférence. Parce que longtemps, j'écoute Radio Bonne Nouvelle et c'est au travers d'elle que j'ai compris qu'il y avait un truc à Eden. Vous savez, la parole déclare que Jésus, c'est Jésus qui dit « Mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent ». Longtemps, j'ai été captif par un manque de connaissances et certainement, je me posais la question « Pourquoi il y a tant de divisions dans le corps du Christ ?» Pourquoi l'autre peut dire je suis de tel, je suis de l'autre? Il y a différents enseignements. Et je disais toujours dans mes prières, Seigneur, permets que tes enfants se regroupent et qu'il y ait vraiment une réforme, qu'il y ait quelque chose qui va ouvrir les yeux. Que personne ne dise plus j'appartiens à tel, mais qu'il y ait quelque chose de commun. Amen. Je bénis le Seigneur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle. Parce que la parole déclare que c'est l'Esprit qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. Ici, quand vous dites « Amen », « Amen » veut dire « ainsi soit-il ». Ça veut dire « c'est la vérité ». Alors, si ce que vous avez compris est vrai, que cela soit vrai dans votre cœur, dans votre vie. Ce n'est pas devant un homme que vous rendrez compte, c'est devant Dieu. Je bénis le Seigneur parce que depuis que je suis assis là, depuis mardi, mercredi que j'ai commencé cette conférence, je suis vraiment béni. Et c'est comme si je n'avais jamais cru. Tout a été bouleversé dans mon être. C'est-à-dire, même lire la parole, ça devient maintenant différent. C'est-à-dire, je deviens comme une personne régénérée. C'est-à-dire, mon intelligence a été renouvelée. Je bénis le Seigneur pour ça et que Dieu continue à bénir ses serviteurs qu'il utilise. Amen. Qu'il te bénisse aussi parce que tu es son serviteur. Alléluia. Tu es également son serviteur. C'est pas parce que tu ne te places pas ici devant. Il faut qu'on arrête de se sous-estimer. Alléluia, arrêtez de vous sous-estimer, parce que Jésus-Christ dit dans Apocalypse 1 qu'il a fait de nous des rois, je ne vous entends pas, des rois et des sacrificateurs, c'est-à-dire vous. Vous. Voilà, merci, avancez-vous. Pourquoi il y a moins de femmes? Amen. Il faut dire la vérité que je voulais rencontrer les bien-aimés comme Nicodème avait fait avec Jésus. Mais le Saint-Esprit me tourmentait pendant que j'étais assis. Il a voulu que je parle un peu, peut-être pour édifier quelqu'un dans la salle. Parce que je ne manquerai pas les rencontrer quand même. Ce que je vais dire, ce n'est pas pour glorifier l'homme. Et peut-être sera aussi un peu étonnant si je dis le nombre d'années où j'ai connu Christ. Je connais Christ depuis au moins 19 ans. Mais il y a un an et demi que j'essaye de mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a quelques temps où Dieu m'a retiré, où je dirais j'étais un peu tourmenté par moments, mais quand je lisais la Bible, je comprenais un peu l'enseignement que nous sommes en train de recevoir ici, que c'est comme ça que ça doit être. Mais je me posais beaucoup de questions sans réponse. Dieu a voulu me répondre par cette conférence. Ce qui fait que je suis tourmenté depuis le premier jour et je suis aussi tellement content, réjoui dans mon âme parce que Dieu m'a répondu et il continue à me répondre, ce qui fait que je suis là tous les jours malgré la distance parfois, même s'il me manque, je préfère même aller à pied pour pouvoir être là. Et je bénis Dieu parce que la dernière fois que j'ai écouté ces deux frères, c'était à Makepe, à Santa Rosa, je crois. Il y avait quelque chose que le frère Santo Banabas, merci, où le frère Olivier avait organisé. Je vais vous dire la vérité que je venais ici spécialement pour écouter le frère Elie. Parce que ce jour, il m'avait marqué. Pendant cet exposé, il m'avait vraiment marqué. Je disais que, l'autre, sa façon là. Mais ce qui m'a marqué, je bénis beaucoup Dieu pour l'intervention de notre frère Olivier. Mais j'ai dit au départ que ce n'est pas pour glorifier l'homme. Parce que ce que les hommes de Dieu devaient faire normalement, quand tu constates, par la Bible qui nous éclaire tous que tu es en erreur, tu devais normalement reculer et revenir en arrière, te repentir en bref. J'ai beaucoup béni Dieu parce qu'il a reconnu beaucoup d'erreurs qu'il a fait auparavant. Ce qui manque à beaucoup d'hommes de Dieu qui croient qu'ils sont grands, révérends tels au travers le monde entier. Ce qui fait que les enfants de Dieu sont tourmentés. Je bénis Dieu pour le jeune frère qui venait d'intervenir là maintenant. Il a dit quelque chose de très, très profond. Les enfants de Dieu sont tourmentés. Ceux qui cherchent réellement Dieu, qui cherchent à connaître véritablement le Sauveur, ils sont tourmentés, se posent beaucoup de questions parce que dans beaucoup de congrégations même, on vous pompe des enseignements, mais on ne vous donne pas le temps de lire la Bible pour comprendre ce que Dieu, la pensée de Dieu. Je bénis Dieu pour cette conférence et la suite, peut-être, ça sera quand je vais raconter les faits individuellement parce que si je me mets à parler ici, peut-être, mais que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse vraiment cette conférence. Amen. Alléluia. Que Jésus soit loué. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que signifie homme de Dieu? Alléluia. En un seul mot. Un homme de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Qui peut me dire? Alléluia. Et celui qui parle de la part de Dieu? Voilà. Merci Eric. Je voudrais dire que parler d'un homme de Dieu en ce terme, c'est simplement dire celui que le vase que Dieu s'est choisi pour exposer sa doctrine, pour ramener son peuple, pour conduire son peuple. Donc, ce n'est que celui que Dieu met à part, tout comme Christ nous a mis à nous met à part pour Dieu. Je prends le deuxième volet. Tout comme Christ vous a mis, lorsque vous parcourez Éphésiens 3, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre Éphésiens 3 et commence à lire les premiers versets. Éphésiens 3. Quelqu'un est-il à la page? Éphésiens chapitre 3, je lis au nom du Seigneur Jésus. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, et si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Amen. Il a été révélé à qui? Il a été révélé à aux saints apôtres et prophètes de qui? Au départ, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit à qui? Il écrit aux Éphésiens. Il écrit d'abord, il dit « vous païens ». Alléluia. Il dit « vous païens », c'est-à-dire les nations. Il dit que « vous païens », c'est ce qu'il dit au départ. Puisqu'il n'y avait pas encore la révélation, c'est de cette manière que Dieu vous regardait. Et lorsque Dieu se révèle, il vous révèle maintenant le Christ. Il vous appelle qui? C'est saints apôtres et qui? Est-ce que Paul voulait parler de lui? Voulait-il parler de Pierre? Cessez de vous sous-estimer. Il faut que la parole de Dieu reforme vos esprits. Vous êtes la majorité d'entre vous dans les entreprises. Vous parlez de la part de Dieu là-bas. Comment est-ce qu'on doit vous appeler? Homme de Satan? C'est ainsi qu'on devait vous appeler? Homme de Satan? Non, peut-être parce que vous ne portez pas de titre. Tous ceux qui parlent sincèrement en esprit, en vérité, de la part de Jésus-Christ, sont des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Ça, c'est le système qui vous a inculqué ça. C'est le système où des gens sortent des écoles de théologie avec des bagages théologiques et vous considérez que ce sont eux les vases que Dieu a choisis. Et vous êtes quoi? Des vases que Satan a choisis? C'est ça? Alléluia. Soyons reformés. Soyons reformés. Il faut que la parole de Dieu reforme notre esprit. Je voudrais encore deux personnes. Voilà, merci. Curieusement, je le dis encore, les femmes ne parlent pas. Pourquoi? On a fermé la bouche aux sœurs. Elle? Alléluia. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce séminaire. Dieu, comme la Bible le dit, Dieu révèle ses choses à plusieurs dimensions pour confirmer sa parole. Je sors dans, je peux appeler une dénomination auquel tout ce que ce séminaire nous apprend, c'est ce que j'ai eu du temps à confronter cela. Si bien que dans le milieu, je suis un peu mal vu parce que j'aime dire ce qui... J'aime me confondre aux Écritures. comme on nous a enseigné que la Bible nous dit qu'il n'y a pas quelqu'un de supérieur qui doit prendre des décisions. Moi, dans le milieu, je suis diacre et j'ai été comme financier général. Donc, et je vous dis ce qu'on nous enseigne là, vraiment. J'ai eu à avoir des problèmes avec, je peux appeler dans mon ancien milieu, mon patron, mes patrons, que quand je demande que mais ça, mais selon les Écritures, moi je vois que ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Et dire, je fonctionne comme nous fonctionnons comme le gouvernement. Celui qui ne veut pas se soumettre, on le met de côté et on place celui qui va se soumettre. Donc c'est pour confirmer que vraiment, quand Dieu est en train de parler à quelqu'un quelque part, il parle aussi aux autres pour révéler ses pensées. Alléluia. Donc, vraiment, frères et sœurs, je ne veux pas tout dire, mais comprenez que ce séminaire, ça vient de Dieu. Que chacun vraiment ne prenne pas ça comme si c'était un jeu. Non. Dieu a préparé ça. Moi, je n'avais pas les possibilités de me lever au niveau, je peux appeler ça, dans un cadre comme celui-ci pour exprimer ce qui ne va pas. Mais Dieu a suscité d'autres pour le faire. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Il y a beaucoup, je ne peux pas... En fait, tout ce qu'on nous dit ici, là, c'est ce qui se passe. Je ne veux pas tout déclarer. Alléluia. Alléluia. Car il est honteux de dire en secret ce qu'ils font. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Il est honteux de dire en secret ce qu'ils font. Qu'importe l'appellation qu'on vous a donnée. Moi, je suis satisfait. Chaque jour qu'on me colle un nom, c'est Jésus qu'on glorifie. Alléluia. Chaque fois qu'on vous colle un nom, si vous êtes sur la parole, c'est Jésus qu'on glorifie. Ça ne devrait jamais changer votre attitude. Je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes comme des lépreux qui étaient rejetés en Israël. Parce que vous vous êtes levés pour la vérité aujourd'hui. Mais sachez que Jésus-Christ est votre bouclier. Alléluia. Jésus-Christ est votre bouclier. J'ai vu le doigt d'une femme. Voilà, merci. Je vais terminer avec vous. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis très contente d'assister à cette conférence. Ce n'est pas la première fois, en fait, que j'entends parler de la réforme. Mais cette fois-ci, beaucoup de choses se sont ajoutées. Et j'avoue que j'ai assisté depuis le deuxième jour et je me sens vraiment très légère. C'est-à-dire beaucoup de choses aussi ont quitté mon esprit, c'est-à-dire qu'ils ont élucidé des points qui restaient un peu obscurs dans mon esprit. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Merci. Alléluia. Voilà, merci. Je ne sais pas si mon ami Daniel aussi voudrait dire quelque chose. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je rends grâce à Dieu pour cette conférence. J'ai donné ma vie à Jésus il y a de cela 20 ans. Et je suis passé dans 3 dénominations différentes. Et dans cette dénomination, déjà j'étais là-bas, il y avait un certain nombre de choses que je ne croyais pas. La première dénomination où j'ai donné ma vie à Jésus, il y a là-bas ce qu'on appelle le faisceau de disciples. Bon, j'étais là-bas où tout le monde croyait ça, mais moi, j'étais réfracté sur ça. Bon, et je me demandais vraiment que, est-ce que peut-être c'est moi qui fais une erreur ou bien est-ce que je suis seul? Après cela, j'ai encore connu d'autres doctrines. Par exemple, on parle de la fête de récolte. Bon, dans le système où je suis ou bien où j'étais, bon, les gens pratiquaient la fête de récolte, mais je disais on me pose que vraiment cette affaire de fête de récolte, vraiment, je ne suis pas, l'esprit ne me convainc pas. Hein? Parce que moi, je pense que la fête de récolte, c'est une histoire de l'Ancien Testament. Bon, je disais on me pose que, mais il y a plusieurs fautes et faits que les juifs faisaient dans l'Ancien Testament. Bon, pourquoi aujourd'hui on a seulement conserver la fête de récolte? Bon, il y avait encore un truc qui se fait dans le système qu'on appelle la présentation de l'enfant au Seigneur. Bon, lorsque j'ai eu mon premier enfant avec mon épouse, bon, il y avait une saison entre moi elle passait et tenait à ce qu'on fasse la présentation de l'enfant au Seigneur. Mais je dis que vraiment, cette affaire de la présentation de l'enfant, je crois que c'est la loi. Et que nous les questions que de la nouvelle alliance, je ne vous vois pas dans le nouveau. Dans l'église primitive, où est-ce qu'on a fait la présentation de l'enfant? Bon, et même le système où on veut que. Une église ou bien une assemblée soit dirigée par un homme qu'on appelle un pasteur ou bien un référent. Je ne crois pas ça. Bon, la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, cette histoire où on dit qu'il y a un pasteur qui est comme un chef, c'est lui qui décide tout ce qui est tout avant. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Et même la fin de dîme, bon, depuis un certain temps, je ne crois plus à la rame. En fait, la dîme, quand je me suis conjugué comme ça, je me suis dit que si la dîme était d'actualité, bon, pourquoi l'église primitive ne prenait pas la dîme? Donc, depuis ce temps-là, il y a certaines choses que je ne croyais plus, je ne croyais plus. Bon. Mais j'étais seul. Et que, bon, ou bien, je n'avais pas de faire une erreur. Bon, et c'est quand j'ai eu. À raconter le frère Olivier, il est connu à travers l'émission Radio Bonne Nouvelle. Bon, et c'est là où je l'ai suivi. J'ai suivi, bon, j'étais mais comment. Parce que moi, c'est une personne qui croit aussi à la même chose que moi. Donc, il faut vraiment que je le raconte. Bon, et lorsque vraiment je l'ai raconté, nous avons que attaché ensemble, je me suis dit que vraiment je n'étais pas seul. Et aussi, les gens qui font la même chose que moi. Bon, et c'est pour ça que mon épouse en est témoin. Bon, depuis que j'ai eu le message de la femme, j'ai fait la constat du frère Olivier. Je dis à mon épouse que le frère Olivier est mon frère jumeau de la foi. Qu'il y a des jumeaux qui sont dans la chair, mais. Il y a aussi les jumeaux en esprit. Je dis que vraiment le frère Olivier aime mon frère jumeau. Parce que je crois que c'est gloire à Dieu. Alléluia. Daniel, merci. Voilà. Il y a une sœur qui voulait. Voilà. Amen. Et moi, je veux dire beaucoup merci à Dieu parce que pendant cette conférence, j'ai appris beaucoup de choses et je lui dis beaucoup merci pour cela. Je voudrais beaucoup plus m'appuyer sur la biomande de la femme. Depuis quand j'avais appris comment la femme devait se vêtir en tant qu'enfant de Dieu, et depuis lors que j'ai décidé de changer, je me sens vraiment très légère là-dedans. Parce qu'avant de sortir, il fallait trop prendre du temps, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et vraiment, avec le système de la parole de Dieu que j'ai apprise, ça m'a beaucoup aidé. Je dis beaucoup merci à Dieu pour cela. Et merci parce que il y a certains points où je ne comprenais pas beaucoup, enfin pas comprendre, ce qui concerne la prière. En lisant la parole de Dieu pendant cette conférence, avant même la conférence, deux semaines avant la conférence, que j'étais déjà dans le bain de chercher à connaître les Écritures, j'ai eu plus de temps à chercher à lire la parole, parce que avant je la lisais parallèlement sans comprendre, comme un roman. Depuis quand les enseignements m'ont été donnés, j'ai essayé à comprendre comment prendre la chose, quoi. À ce qui concerne la prière, lorsque on lit dans la parole et on n'est pas certain, les choses ne se réalisent pas. Mais depuis un certain temps, lorsque je la lis, je suis certaine que ce que je demande, je l'ai déjà, parce que la parole de Dieu le dit. Bref, tout ce que j'ai appris, je l'ai déjà par la foi, parce que chaque jour ça se réalise dans ma vie. Et il y a un point auquel je ne suis pas encore vraiment satisfait, ce qui concerne le jour du repos. J'ai mon papillon que j'ai donné quelque part dans les questions. J'espère qu'on va me répondre par rapport à cela. Ça concerne le jour du repos. C'est là où je voudrais que le Seigneur m'aide à pouvoir mieux la comprendre. Merci. L'habitude est une seconde nature. Je sous-entends que lorsque la sœur parle de jour du repos, elle veut parler du dimanche ou du sabbat. Particulièrement le dimanche. Quand on parle sabbat, c'est peut-être un gros mot. J'ose croire que demain, vous seriez là demain. Voilà, on va vous apporter un élément de réponse. Le bien-aimé peut s'avancer, il voulait dire quelque chose, on va terminer avec lui. Bonsoir, je suis le frère Abraham. Je rends grâce à Dieu pour ce séminaire, parce que en réalité, la vérité est bonne à dire. J'ai cru depuis 3 ans, et quand j'ai cru, c'est une longue histoire. Et tout ce que je fais, je pense, je crois que ça venait de l'esprit. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'appartiens à aucune église. Quand j'arrivais dans une église, quand on enseigne, mon esprit n'adhère pas, je rentre. Ceci revient à aujourd'hui. Je me retrouve à la maison, je lis ma Bible. Après un temps, c'est venu dans mon cœur que non, il faut aller dans les centres de formation biblique. Je me suis retrouvé dans les centres de formation biblique et par rapport à ce séminaire, je comprends beaucoup de choses. Et je crois une chose, que c'est Dieu qui est en train de parler. Et je vais traiter cela avec Dieu, personnellement. Amen. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Que Jésus soit loué. À lui toute la gloire. Vous voulez parler? Venez. Gloire à Dieu. Bonsoir. C'est le frère Michel. Adrien, je voudrais rendre grâce à Dieu parce qu'il a su inspirer ses serviteurs que sont Olivier Ndongo et Tchab Daily pour organiser cette conférence. J'avoue particulièrement que si j'avais raté cette conférence, je crois que ça aurait été pour moi comme quelqu'un qui rate le métro qui va au travail le matin. Mais je suis content parce que, malgré mes occupations, j'ai pu être là tous les soirs. Je vais peut-être surprendre beaucoup de gens parce que tout le monde ici est content, parce que la conférence a eu lieu. C'est vrai, moi je suis content parce que la conférence a eu lieu, mais je vous dirais que cette conférence est venue plutôt me faire perdre le sourire. Cette conférence me fait perdre le sourire, pourquoi? Parce que, à la lumière des écritures et des témoignages, j'ai tendance à me culpabiliser pour me dire pourquoi j'ai accepté de naître, s'il m'était vraiment donné d'accepter de naître. Pourquoi est-ce que je vis? Je me souviens encore tout à l'heure quand j'ai discuté avec le frère Elie, je lui ai dit, si je pouvais avoir souvenance de n'avoir jamais péché, je demanderai une fois à Dieu d'arrêter ma vie à ce niveau parce qu'il ne faudrait plus que je continue à vivre, sinon je vais faire des choses qui vont m'empêcher d'aller dans son royaume. Donc je disais que j'ai perdu véritablement le sourire parce qu'aujourd'hui je me pose énormément de questions. Je me pose des questions. J'ai dit tout à l'heure à la lumière des écritures et des témoignages. Nous sommes tous chrétiens il y a plusieurs années. Et parfois nous l'avons même confirmé. Parce que qui n'est pas musulman, qui n'est pas bouddhiste, qui n'est pas animiste, c'est dit chrétien. Mais est-ce qu'en réalité, nous sommes des vrais chrétiens? Moi, je me pose cette question. Je voudrais m'appuyer sur le témoignage de la sœur qui vit en Irlande. Celle qui parlait dernièrement de la façon de se vêtir, qui parlait des dettes, où Dieu lui a dit, c'est vrai, tu me sers, mais souviens-toi que tu dois de l'argent à quelqu'un. Et je suis persuadé qu'ici, parmi nous, il y a des gens qui ont des dettes qu'ils ont même déjà oubliées. Et j'ai bien peur que ces gens-là se considèrent comme étant témoins. Et j'en fais partie. J'en fais partie. Depuis ce jour, j'ai essayé de regarder dans ma tête, j'ai fouillé dans mes méninges. Est-ce que j'avais pris quelque chose à quelqu'un que je n'ai pas payé? Et l'esprit m'a dit, souviens-toi que il y a quelqu'un qui t'avait donné 2000 francs, peut-être avec le temps tu as oublié, il faut que tu rentres payé. Ça fait donc, quand je disais tout à l'heure que j'ai perdu le sourire, malgré le fait que Dieu nous demande d'être toujours joyeux, moi j'ai perdu le sourire, je vous le dis, parce que j'ai l'impression que, vu le temps qu'il me reste encore à vivre sur cette terre, et compte tenu de ce que Dieu nous demande de faire, je ne suis pas convaincu. Je ne suis vraiment pas convaincu, excusez-moi, ça c'est mon point de vue, que je ferai partie de ceux-là qui seront enlevés. Parce que je pourrais pécher un jour, pas volontairement, je pourrais pécher sans le savoir. Et ça, il n'y aura que Dieu pour me dire, tel jour tu as posé tel acte, tu t'en es pas souvenu, et moi je te reconnais pas pour ça. Et c'est pour cela que j'ai perdu le sourire. Donc je prie Dieu pour le temps qui me reste encore à passer sur cette terre, s'il pouvait même m'enfermer dans une chambre que je ne vois même plus les gens passer devant moi, que je ne sorte même plus, que je ne mange même plus parce que je peux manger même ce qui n'est pas mangeable, qu'il le fasse, pourvu que je sois parmi ceux-là qui seront enlevés. Et je souhaiterais également que ce soit votre avis. Et comme ça, nous tous qui sommes ici là, au dernier jour, nous allons nous retrouver pour rendre gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Dieu ne parle pas pour nous effrayer. Dieu ne parle pas pour nous effrayer. C'est pour nous rapprocher de lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque vous priez, dites. Quels étaient les premiers mots? Chacun de nous ici a un père. J'ose croire que lorsqu'un enfant veut demander quelque chose à son père, il n'y a pas de diplomatie. Il se sent en sécurité. Dieu ne parle pas pour nous affliger, pour nous faire peur. c'est pour nous ramener vers lui. C'est pour nous ramener vers lui. Et l'œuvre qu'il a commencée, Paul le dit, lui seul va l'achever. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Non. Bonsoir, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais bénir le nom de l'Éternel pour cette conférence qu'il a organisée. Je pense que c'était vraiment pour m'éclairer par rapport à tout ce que j'ai eu à vivre. À Yaoundé, nous étions dans une assemblée où le pasteur nous parlait de tout ce que les frères sont en train de dire. Mais entre nous, les jeunes, on se disait toujours, non, ce pasteur, il est dur, il ne veut pas nous laisser vivre, il ne veut pas, il veut seulement, il veut qu'on marche comme lui, il veut. Et on ne partait pas vérifier dans la parole de Dieu ce qui était vraiment. Et par rapport au témoignage de la sœur, mercredi, je pense, ça y a fait beaucoup de choses dans ma vie, puisque dans notre assemblée, même à Yaoundé, pas de pantalon, pas de mèche, rien. Tout était naturel, même les cheveux. Et quand nous sommes arrivés à Douala, on a cherché les assemblées où il y avait des trucs pareils, mais on n'a pas pu trouver. On est allé dans une assemblée où tout le monde mettait les mèches, les pantalons, les phares et tous les seins dehors. Ce qui fait que j'ai été tentée et j'ai aussi commencé à mettre la mèche. Pour ceux qui m'ont vu mercredi, j'avais des très longues mèches sur ma tête. Mais quand le message est passé, je suis arrivée à la maison, j'ai retiré toutes mes mèches et j'ai brûlé. Pour dire au Seigneur que non, je reviens vraiment sur le sentier de l'église et je ne me détournerai plus. Quel que soit ce que les autres feront à côté, moi, Éternel, je te suivrai. Je bénis le nom du Seigneur. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, bonsoir. Ce qui m'a le plus marqué pendant ces 4 jours de conférence déjà, c'est déjà ce que le Seigneur utilise pour nous passer le message. J'ai un réel, un profond plaisir dans le cœur de voir que ce soit des jeunes qui parlent de ce genre de choses, de ce type d'évangile, si jamais il y a un type d'évangile. On aurait pu parler d'Abrahamis. Quand je peux voir les frères qui... On aurait pu dire que ce sont des gens qui ont été frustrés par la vie, qui ont été frustrés par certains événements qui peuvent parler de telles choses. Mais avoir des frères qui, physiquement, bien portant, le visage rayonnant, et voir maintenant l'appui scripturel sur lequel ils se basent pour argumenter les différentes thèses. Là, je suis vraiment fier. Je peux penser qu'il y a encore les Daniel, Azaria, Mishkaël, Anania, je peux ajouter Mardoché et toute la liste que nous pouvons. Je suis vraiment fier et j'ai cette joie dans le cœur de voir la détermination et surtout la conviction avec laquelle tout est présenté. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Sachez que parmi vous, il y a des Jean-Baptiste, il y a des Néhémie, il y a des Gédéon. C'est Dieu qui choisit son peuple et son armée. Ce n'est pas un homme. J'ai retenu quelque chose de la sœur. C'est actuellement la tendance. L'église du point de vue. L'église de Laodicée. Si la majorité pense que pour sortir, il faut plier le pantalon, mettre ici. Tout le monde suit cela. Celui qui dit non, c'est lui qui est dans l'erreur. C'est la raison pour laquelle vous êtes combattu. C'est pour cela que vous êtes rejeté. C'est l'église de la majorité. Parce qu'on a dit, vous deviez faire ceci et vous obéissez sans vérifier. Restez attachés aux choses que vous avez connues. Celles que Christ vous a enseignées. Alléluia. Les choses que Christ vous a enseignées. Ne vous laissez pas emporter loin d'elles. Même si c'est le prix de votre vie, vous perdez cette vie-là. Parce que vous êtes attaché à la vérité, vous allez la retrouver. Et notre intention, peut-être certains en ont cela dans leur pensée, ils disent que, est-ce que ce n'est pas pour nous emporter quelque part? Nous n'avons pas l'intention de créer une dénomination. Alléluia. Il faudrait qu'on s'entende. On a dépassé ça. On n'est plus dans ça. on a dépassé cela. Vous appartenez à Jésus-Christ. Vous n'appartenez pas à un homme. On a déjà dépassé ça. Créer les dénominations, pour quel but? Alors que vous appartenez à Jésus. Alors que vous pouvez prendre tout le pays entier, toute cette ville pour vous. Pour que Jésus soit élevé. Restez attachés à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut se mettre sur nos pieds et dire que tu es Seigneur Jésus? Est-ce que nous pouvons dire à Jésus, merci? Merci parce que tu nous as séparés du monde. Merci parce que tu nous as fait passer du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu nous as déliés du monde des ténèbres pour nous lier à ton royaume, le royaume de la lumière. Est-ce que tu peux dire merci à Jésus? Merci pour l'amour qui répand dans ton cœur. Oh Jésus, souffle sur ce peuple. Souffle ton esprit sur ce peuple. Jésus est fidèle. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais au salut. Jésus-Christ nous aime. Il n'est pas venu te perdre, mais te sauver. Jésus veut vivre éternellement avec toi. Jésus veut vivre éternellement avec toi. Jésus veut vivre éternellement. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Il n'y a que toi, roi des rois. Jésus, nous t'élévons. Jésus, nous te magnifions. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Parce que tu es maître de nos vies. Jésus, nous te célébrons. Parce que tu ne changes pas. Tu as versé ton sang pour nous. Seigneur, nous te bénissons. Tu t'es fait un peuple pour qui t'élève les louanges. Jésus, nous t'acclamons. Jésus, nous t'acclamons. Tu es le roi des rois. Jésus, tu marches au milieu de l'église. Tu marches au milieu de cette église. Que tu rends libre, Jésus. Libre du péché. Libre des démons. Libre des hommes. Libre de la captivité. Jésus, nous te bénissons. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Parce que tu es maître. Tu es maître de nos vies. Jésus, nous t'élévons. Nous t'acclamons. Tu as tout fait. Béni sois-tu, Jésus. Jésus a tout fait. Gloire à toi, Jésus. Le roi des rois. Tu as tout fait, Jésus. Alléluia. Tu as tout fait. Tu as tout fait.